Non, mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a toujours une recherche. Du coup, forcément, ça demande du temps. Mais si vous vous demandez où est Yanis, eh bah oui, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Twitch. Et en effet, il y a la chaîne Le Rab en Mieux, où du coup, tu es un peu plus souple. Où tu... c'est mais ça. C'est pas que des rediffs, non, des fois, tu... L'arabe en mieux aussi, il y en a qui... Ah, moi, j'ai lu comme ça. En termes de souplesse, oui. C'est... Ça, c'est la troisième c'était chaîne. Le jeu de mots. C'est la chaîne tertiaire. Ouais. Qu'est-ce que tu mets sur cette chaîne? Sur la chaîne secondaire? Non, sur la tertiaire. Sur je la peux pas le dire mieux. À la radio. Les petites recettes. Mais tu peux le dire à Mandika, je te l'assure que tu peux le dire ici. Et ben on va s'abonner aux trois chaînes. Non, mais du coup, voilà, c'est pour ça aussi, je pense que t'étais moins productif. Et en parlant du coup de ta chaîne, etc. et tout, j'ai envie de remonter le temps comme ça, Alif l'a fait avec l'époque où tu dissimulais ton visage. C'est que je réfléchissais. La première fois que moi je t'ai connu, mais c'est en fait, c'était ta deuxième vidéo. Ah ouais? T'avais fait une vidéo sur les impros. Ouais, c'est vrai. Et je me dis, j'ai envie de parler de ça, puisque quel est le statut de l'impro en ce moment là, dans le rap? Pas plus grand chose. Qu'est-ce qui se passe là? Improviser dans le rap, c'est quoi? C'est-à-dire avant ça faisait les freestyle. Non, les freestyle, mais maintenant freestyle justement. Les freestyle. Ça veut plus dire impro. Donc, ouais, c'est vrai. Maintenant, faut dire, je vais faire un freestyle à l'impro. Ouais. Bah normalement, c'était ça. Dans le monde freestyle, il y avait l'info. Tu parles d'une redondance. Et du coup, avant de te donner la parole, du coup, dans cette vidéo, tu fais un classement des performances improvisées les plus extraordinaires. Donc, il y en a qui sont assez connues, notamment celle de Alpha One. Je pense que les gens l'ont en tête et tout. Yes. Donc, il y a ce délire d'improviser, etc., qui fait partie de l'essence du rap, mais qu'on a perdu, j'ai l'impression. Un lost art. On en est où là-dedans, Yanis? En vrai, c'est hyper intéressant comme question. J'aime beaucoup ton travail. J'ai pas de chaîne non, secondaire. Mais c'est effectivement, c'était ma deuxième vidéo. En gros. Mais ouais. C'était ma deuxième vidéo. Du coup, ça date un peu, mais effectivement, je pense que j'avais sorti ça en 2020. Et du coup, sur la décennie 2010-2020, fin des années 2010, on était sur une fin de era un peu dans ce truc freestyle, battle. Et au même titre, je pense que tout ce qui est méta rap. C'est-à-dire les battles, faire de l'impro, les trucs au profit des rappeurs studio. Et du coup, qui dit rappeur studio dit il faut pas prendre trop de risques. Il y a l'image, on travaille beaucoup sur l'image. Faut pas se montrer. Est-ce qu'on fait une interview, on fait pas une interview? Et du coup, je pense que l'impro, c'est le risque. Ça. Puis à la base, sans faire le puriste, mais je trouve à la base le rap c'était un truc de versus quoi. Tu fais un cercle, puis je suis plus fort que toi, t'es plus fort que moi, même dans le breakdance. C'est un truc qu'on retrouvait beaucoup dans les hip-hop. Et c'est un truc qui, je pense, s'est perdu, mais pas, je pense, à vie, au même titre que à tout moment le battle peut revenir. Et c'est pas dans l'air du temps, le battle, plus du tout même. Mais est-ce qu'on aurait perdu en spontanéité? Oui, évidemment. Oui, c'est ce qu'il disait, avec le risque de, tu sais, de ton image, de comment ça va clairement. Être récupéré. C'est très contrôlé, t'as une les maisons derrière disent toi, qui te disent attention. C'est ça. Tu fais de l'impro, tu prends le risque de rater, de te manger un flop. Aujourd'hui, même les et rappeurs. Et de dire des dingueries. Ouais. Parce que moi, j'adore faire des impros. Oui. Et puis souvent. Et vraiment, deux fois sur trois, je dis. Il y a trois, quatre mots qui reviennent très souvent. Très souvent, il faut biper. Je dérape souvent, donc c'est dur de se contrôler. Même les adlibs maintenant, c'est devenu dangereux. Ah, ouais. Avec SDM, là. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est réel. L'imagerie des rappeurs, c'est devenu un truc tellement primordial et tellement important. Et en fait, il y a tellement très tôt de l'attente sur des artistes que je donne un exemple, mais moi par exemple je fais beaucoup de live Twitch. Je kifferais inviter des rappeurs que moi je trouve intéressants. Et y en a pas tant que ça qui sont à l'aise pour parler, juste le fait d'être en live. Y en a qui de ne pas avoir au préalable les sujets que tu compterais aborder, etc. Par exemple, genre vraiment juste une discussion par exemple, c'est devenu très très rare, tu vois, où moi en plus, comme je suis un peu critique avec la musique, ils se disent faut pas. D'ailleurs, moi à l'époque j'avais reçu un rappeur Loto que j'aime beaucoup sur Twitch, bien sûr. Et à l'époque il m'a dit, il sortait un album que j'avais pas écouté, et il m'avait dit j'arrive avec deux morceaux. J'ai dit, par contre, je te dis, mon ref, moi, je peux pas mentir à ma commu, si j'aime pas, je vais le dire en live. Il m'a dit, tu sais quoi, si t'aimes pas, dis-le en live. Genre, il était devant moi, quoi. J'avais trouvé ça trop hyper G. Finalement, le morceau était excellent, j'avais kiffé. Mais c'est très rare. J'avais envie que tu dises, c'est nul juste pour le kiff. Je l'aurais fait si c'est juste si pour voir. Faire une séquence incroyable d'internet. Nul en fait. C'est horrible. Casse-toi. Change de métier en fait. Sors de chez moi immédiatement. Ok, ouais. Donc, mais souvent, en plus, je pense que là, tu vois, t'as eu l'auto en direct. Mais je pense que c'est souvent peut-être ce qu'on disait, l'entourage, la maison de disques qui va dire « Attends, mais on a vu que tu faisais des flops, ouais. 10, tout ça, frérot, ouais. Ça rend la discussion plus compliquée, en tout cas l'accès. Ouais, mais du coup, c'est pour ça, bon là je vais me répéter, c'est pour ça que moi j'adore ton contenu. C'est que depuis 3-4 ans, avec cette explosion du rap, bah, y a quelque chose qui s'est un peu lissé, tu vois. Ouais. Mais même au global sur YouTube, vu qu'on a envie de plaire à des annonceurs, c'est normal, c'est le jeu. On a envie de faire des placements de produits, on a envie de faire ça, mais du coup on se rend pas compte que bah, notre ton, et bah, il devient un peu lisse, il se formate il s'altère, un petit peu, ouais. tu vois. Et lui, il arrive, il dit, je vais vous dire, les top 10 des albums. Les 10 pires albums. Et je trouve que ça fait du bien, mais après, peut-être que c'est plus facile parce que t'es tout seul, dans le sens où tu représentes pas une marque, etc. Alors, oui, je crois qu'il y avait un article de, il me semble, l'ABCDR du son, qui, sur la critique rap qui était inexistante, et du coup, il y avait toute une partie sur le fait que ce soit sur YouTube qu'on retrouve les critiques les plus indépendantes, parce que, et c'est un truc que j'avais dit sur un live Twitch, et qui avait un peu tourné, c'était que, en fait, moi, comme je dépends pas financièrement d'aucun label, d'aucune industrie, je peux dire critiquer un album, et ça va pas m'empêcher de remplir mon frigo à la fin du mois, donc... Il y a ce truc en fait de liberté encore sur YouTube qui est accessible, mais beaucoup moins ailleurs quoi. Ah là là là là, il faut pas perdre ça. Donc si vous voulez voilà découvrir un petit peu, aller voir ce que fait Yanis, et surtout justement là on faisait allusion à ces vidéos où en fait chaque année il fait un peu un bilan de l'année. Et il fait voilà, des tops de choses qu'il a aimées, mais aussi des choses qu'il trouve à chier. Bah, je voulais rester poli parce que mes parents regardent actuellement. C'est le nom de la vidéo. Flash d'allumer, c'est le nom de la vidéo. Oui, parce que je vous enregistre. En cachette. C'est un keuf. Je voulais voir si vous allez le mec chelou qui assume le plus au monde d'être chelou. Oui, je vous enregistre en fait. Totalement. Je voulais voir si vous allez déraper en live. Bravo, vous n'avez pas dérapé. Alors qu'il est dans un studio d'enregistrement, dernier cri. Eh oui. Et surtout, première minute d'émission. Il a failli dire le N-word a failli sortir quoi. Donc, mais vous avez pas vu les micros que j'ai cachés devant vous, verts là. Ah, vous les voyez, ok. Merde. Ils sont vachement cachés. Ils sont mal cachés, ils sont très mal cachés. On va écouter de la musique. Salif va nous parler de ce qui nous ramène, parce que tous les vendredis, lui, Salif, il aime ramener des découvertes anglophones. Ouais. Voilà, parce que moi, sinon, si ça compte. Parce que j'ai fait LV1. Si on est sur moi, c'est vrai que je suis trop nationaliste. On m'a dit ça la dernière fois. C'est vrai? De l'Algérie ou bien de ici? L'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. J'avais pas pensé à ça. Cet autre pays. Je parlais de la pays de la France. Ah d'accord, le pays des lumières. Ça se voit, j'ai pas le langage. Je suis vraiment facho LV1. J'arrive pas quoi être vraiment dans ça. Dis-nous Salif, qu'est-ce que tu nous ramènes? Eh bien, je ramène une artiste, mais en fait, elle nous a écrit, donc je pense que ça sert à rien que je parle. Je préfère lire ce qu'elle nous a dit, ce qu'elle m'a dit sur Instagram. Super ça. Donc voilà, je pourrais avoir un petit support. Ah merci. C'est tout ce dont j'avais besoin. Elle t'a écrit une lettre alors? Elle m'a écrit une lettre. Waouh. T'es en mode super? Duke Ellington. On va découvrir. Gravesend, dans le Kent, en Angleterre. Cher Mwandika, je m'appelle Tamera, je suis une chanteuse de R&B Soul. Cher Salif, merci pour ton mail, il m'a beaucoup touché. Je suis fière et contente que tu apprécies ma musique. Merci, même si j'aurais aimé que tu ne précises pas le contexte dans lequel tu l'écoutes. Je me suis permise de regarder un petit peu ce que vous faites sur Mwandika, et je trouve étrange que les seules femmes que tu mets en avant dans tes chroniques ont rigoureusement le même profil. Y aurait-il une pointe de fétichisme? Tes gens téléchargés en bas. Ou est-ce que tu as oublié quelqu'un, ou tu as du mal à oublier quelqu'un, je ne sais pas. Bon, bref, trêve de psychanalyse de salon de coiffure, bonne émission. Supernova, elle est pas gentille elle, hein, de Tamera sur Move. Let's go. Playing a villain, you're setting off sirens in your silence. Ain't no peace. easy for you to take me out of character. Thought you'd be my freedom, but baby, you were a barrier. Thought you were someone I could lean on, but had to carry her. Now I'm gonna carry on alone and I'll be happier. Thank God I didn't marry her. Now I realize the sun shines on different areas. I didn't get my needs met by meeting someone else's. You told me how to love myself and now I'm selfish. I'm reminding you. Supernova de Tamera sur Move. Let's go. Moins de 10K. Moins de 10K. Avec Anis. Anis. Moins de 10Ks. Ensemble jusqu'à 21h avec Yanis de la chaîne YouTube Le Rap en Mieux. On le questionne sur son parcours. On est revenu, on était au début. Mais il faut qu'on parle un petit peu d'actualité parce que tu as moins le temps pour faire des vidéos sur YouTube. Aussi parce que tu as lancé ton événement. Tout à fait. Tu es un clubbeur maintenant. Ouais. Avec un bon cuir. La vraie définition bon du club. Cuir, un bon cuir, ouais. Du coup, c'est les. C'est les cuir. Ah, tu feras gaffe. Ah, j'ai mal entendu, pardon. C'est une question d'accent. Hey, yo. Tu as lancé les soirées séquences avec un autre créateur d'internet, Andy. On embrasse très fort. Et du coup, vous faites des soirées rap. Donc, ça, on connaît. On connaît. Mais la petite particularité, parce que j'ai eu la chance d'être à la première, mais ouais. Je sais que ça a beaucoup évolué déjà. Ça a évolué. La première, c'est simple, je me suis chié dessus, en fait. Mais c'était marrant, c'était, ça s'est bien passé quand même. Ça s'est très bien passé. C'est effrayant de se retrouver devant autant de gens de sa communauté. Ouais, c'est... Non, et puis les gens, en fait, ils viennent pour écouter de la musique. Et en fait, vous n'avez pas de. Comment dire ? Vous mettez pas d'obligation à faire danser les gens, à que ça soit festif. Non, bah en fait justement. Si vous voulez passer des sons que tout le monde aime mais qui sont chill, on les passe quand même. C'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Puis il y avait ce truc aussi de, on veut pas vendre un truc ultra hype, machin. C'est vraiment en mode venez comme vous êtes et puis on s'ambiance sur des sons qui, à la base l'idée c'était surtout que, nous en tant que fans de rap. Et avec Andy, on peut parfois être un peu fêtard. En fait, quand on va en club, même sur Paris, qui est quand même la capitale des clubs sympas, si tu veux aller dans un club hip-hop ou rap, ça va aller soit trop côté hip-hop afro, soit trop du hip-hop pop ou mainstream. Quoi. Ouais, ouais. Zumba, ouais. Et en fait, y a pas de club où tu peux écouter, un ancien son de Caris, un truc un peu underground. Le monde ou rien, tu peux pas l'écouter en soirée. Tu peux pas l'écouter en soirée. Le monde ou rien. Non, je suis pas certaine que ce soit ce son-là. C'est Aznavour, là. C'est un vieux son d'Aznavour. J'ai jamais entendu PNL. Elle doit se mettre à des mots. Non, mais c'est important de le dire. Parce que moi, je sais que j'ai fait une soirée où il y avait le monde ou rien, il y a 5 ans, un truc comme ça. C'était Bounce Party. Je sais plus, mais en tout cas, ça m'a marqué. J'étais quoi. Avec toi. Ah, peut-être alors. Ouais. Non, mais ça m'a marqué d'entendre ça. C'est incroyable. De se dire, ah, mais ça, c'est très bien en fait. Faites-le plus souvent. Non, dans un autre registre aussi, il y a Fusil de SCH. Ouais. Et à la dernière, on a terminé sur Fusil de SCH. Okay. Et en vrai, premier degré, j'ai eu les frissons. Ouais. T'étais là, t'as ta commu et t'as 500 personnes qui rappent mot pour mot. Fusil de SCH, c'est un moment de communion qui est incroyable, quoi. Et que t'as pas, t'as pas souvent c'est à part au concert, quoi. Ouais, puis c'est super, c'est ça, puis c'est super familial. Et en plus, moi, j'ai appris à mixer pour les besoins des soirées. Tu t'es pas tué, quoi. Non, c'est cool. Donc voilà, on magnifique. Fait un peu. T'as mis la main à la platine. Comme à la platine. Ouais. Et à la plate. T'as mis la main à la plate. Non, et aussi dans ces soirées, il faut pas oublier de le dire. Il y a bien sûr des lives. Il y a des lives. Donc, c'est aussi un concert. C'est aussi... Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Et en plus, c'est pas. En tout cas, la première fois que vous avez fait ça, c'était pas moment concert après moment truc. C'est genre tout mélangé en même temps. Ouais. Et tu peux pas louper un truc, quoi. Soit ouais. C'est sûr que tu vas voir un concert, c'est sûr que tu vas écouter un bon non, son. Non, non, clairement, ouais. Clairement. Ouais. Alors, les artistes, quand ils viennent, c'est plus 10 minutes, un quart d'heure. Mmh. Faire 2-3 sons. Mais ouais, l'idée, c'est juste, en fait, avec Andy, on s'est dit, faire la soirée que nous, on kifferait. Et vu que les gens, ils nous suivent pour, je pense, nos goûts musicaux. Mmh. Sinon, on serait pas suivis. On fait vous essayez de donner ça aux gens. Ouais, on essaie de donner aussi ça aux gens. Et puis je pense que c'est quand, c'est où là? Adresse là, vite. Ça m'a donné envie. Vous êtes évidemment invité, mais oui. Bien sûr, évidemment, par quand défaut. La prochaine, c'est le 24 janvier, donc vendredi prochain, au Petit Bain, à Paris. Et non, mais ça peut. Moi, je te suis. Hein. Non, venez, on y va. En vrai, hein. On peut y aller juste après l'émission. Je vous dépose. Je vais vous voir crier sur, sur fusil de SCH. Sur tous les morceaux. Sur tu tous nous verras crier. En fait. Donc, 24 janvier. Et j'ai passé du Hino au Casablanca dans mon set. Voilà. Aïe, aïe, aïe. 24 janvier, au petit bain. Sur Paris. C'est où, mais Petit Bain? C'est dans le 13e. Je suis en Turvois, tranquille. T'inquiète. J'adore. C'est sur les quais, voilà. C'est ça. C'est pas très loin du Wanderlust, de où vous allez clubber les jeunes d'habitude. Oui, oui. Vous allez un peu plus loin et vous allez voir Yanis qui mixe. Et cette troisième séquence, c'est en collab avec Midsizer. Midsizer, ouais. Ça, ouais, ça tue ça. Incroyable. C'est assez cool. Et l'idée, c'est que ça s'exporte. Ça s'exporte. Parce que voilà, nous, on est écoutés pas que à Paris. Donc souvent, les gens, ils sont frustrés en mode mais venez. Venez chez nous. Où est-ce que ça va aller après? Alors ça va aller. Là, on en fait une à Bordeaux début février. Le 6 février. Pourquoi faire? Ça enchaîne. Pour faire kiffer les. Alors nous, avec Andy, on est des provinciaux, donc. Ah d'accord. On est un peu. Vous voulez redonner à. On veut redonner aux gens. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des villes comme Bordeaux, il y a très peu d'événements rap. Je sais que Lyon, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Mmh. Et c'est forcément très centralisé sur la capitale. Mais l'idée, c'est aussi de forcément faire des de plus faire petites les salles. Grandes villes, quoi. Mais de faire un petit peu le tour des grandes villes. Puis nous, ça nous fait trop kiffer de voir nos commis aussi ailleurs. Donc c'est 100% du kiff. Séquence, voilà, c'est les soirées séquences avec un S à la fin. Toutes les infos, vous allez sur l'Insta de Yanis, vous allez tout trouver. Je crois qu'on est quasi sold out sur le 24. Bon, si vous voulez aller vous places, faire c'est là, là. D'ici aujourd'hui ou demain. Voilà, très rapidement. Voilà. Donc c'est maintenant, si vous avez envie, on y sera, on vous fera un petit coucou avec plaisir, on va écouter de la musique. Pour te faire plaisir, Yanis, tu sais quoi, à la radio, fais-moi plaisir. J'ai envie qu'on écoute là tout de suite. Un morceau qui s'appelle 2014 à l'infini. Oh, j'ai les frissons. Hein. J'ai les frissons, voilà. Peut-être. Hein. Ceux qui sont en voiture. Yanis, tu me connais si bien. On se voit aussi peu et tu me connais si bien. Mais j'écoute ton âme me parle. C'est fou. Le lien d'âme est terrifiant. Ambiancez-vous, on écoute tout de suite Joke 2014 à l'infini. Heureusement qu'il y a des pupitres. Uh-huh. 2014 à l'infini, mon nigga. Yeah. Oli. Richie Z. Aïe aïe aïe. Yeah. Holy shit. Nique leur politique. J't'ai rentré que de mesure. Tu penses déjà au repeat, man. Holy shit. Le nègre est prolifique. La malle est ramollie. Les petites mettent de l'amour dans mon système. Résidus de cocaine sur le pot de pêche, gris. J'pense à mes âmes perdues, que Dieu les protège. Holy shit, les dièses sont illicites. Tu comptais pas donner ton cul, fallait pas venir ici. Tu pensais t'être débarrassé de moi, mon négro? Non. Réserve des pages dans ton agenda, mon négro. On peut qu'en vouloir à l'humanité. J'fais de plus belles images que ces bâtards en arabe. Tête dans la cuvette. Famas pour t'allumer, pas d'allumer. Femme à lunettes, femme à kikette. Bourre au cognac, mes négros chantent à tue-tête. J'vais faire tuer le chat sur ces bâtards du net. J'fais mouiller les fliquettes, y'a du champagne qui pète. J'plante son bœuf, j'ai le bras long, une pétasse, qu'à les jambes à carambeux. Talentueux, parlons cash, parlons peu, on vient, on cache. Qui parle contre eux, on parle qu'en eux. Est-ce leur comme un marchand de bœuf? J'ai besoin d'un kick, une caisse claire, une carte. carabine Winchester. Abracadabra, négro, corps caverneux dans ton sphincter. L'homme descend du singe, descend des hommes. Mon des blancs de bâtard pour que son frère évolue dans le désordre. Le blanc est marécageux, j'aime même pas les gens qui m'aiment. Tu crois que je pense quoi des rageux? On a grandi dans des cages, donc l'esprit est noir et vaseux. Je suis incompris comme une métaphore. Mon âme se condense en flot lorsque toutes mes pensées s'évaporent. Les blancs s'élaborent, c'est bon, cul, putain la vie. Tu risques de tromper la mort. Nique leur mère, va prendre ton liquide à tribord et babord. Toute la journée, paye ta chatte. Je paye ma journée, je fais des méga sales, du méga sale. Longtemps sous règlement dans la foulée. Le temps qu'il m'a donné, voilà, l'oré, Togo, Lomé, Ousso, Fodé. Oui, tu me connais, nique leur radio. La suite des événements va corroborer. Cheer. Amen. Cheer. Hey, hey, hey, 2014 à l'infini de Joke sur Move, let's go! Moins de 10K, oui. Moins de 10K avec Anis. Est-ce que c'est bon, Richie Beats, bravo, tu as du sang sur les mains, mais de l'or en même temps, incroyable. 2014 à l'infini de Joke, toujours avec Yanis de la chaîne YouTube Le Rap en Mieux, yeah. Accompagné de mes acolytes Farah et Salif. On discute, on discute. Du coup, voilà, tu es un aficionados de Joke. Tout à fait. Tu as... En fait, si je t'ai invité aussi, c'est que je voulais te remettre tes props, remettre tes flowers, Mais là, parce que vous m'avez reboosté pour 2025. Non, mais attends, là, c'est que le début. Parce que on était en 2022. Ouais. Tu es venu avec une artiste qui s'appelle Théodora. Et maintenant, Théodora est partout. C'est vrai. En 2022, tu as dit, c'est pas mal ça. Je le sens bien. Ça, je le sens bien ça. Ouais. Elle faisait de la drum and bass. Je sais pas pourquoi je pas mon label encore. Mais là, t'as fait un vrai coup parce que c'est le nif est terrifiant. C'est quand même assez particulier ce qu'elle propose, etc. Et c'était tout. Au moment de Paradis se trouve dans le train. Ouais, c'est ça. C'était à ce moment-là. Bête de son. Moi, je suis monté dans le train direct. Du coup, très tôt, grâce à toi. Maintenant, moi aussi, je peux me la raconter. C'est vrai. Je peux briller en société et dire je l'ai reçu en 2022. C'est vrai. Mais je tiens à dire que c'est grâce à Yanis. Voilà, tu as eu ce flair. Et elle est dans les 11 à suivre. Voilà. Elle est dans les 11 à suivre de Bouscapé, effectivement, cette année. Bouscapé. Voilà. Tu voulais pas en parler tout de suite? Si, on peut. Puis, Big Boss, je voulais d'abord juste lui dire bravo. Oui, il a les fleurs, tout ça. Il a le flair, etc. Laisse-moi un peu mes fleurs, ça dit. Mais en effet, il y a. Il veut pas qu'il ait aucune lumière. Désolé. Il veut tout pour lui. Non, mais t'as raison. Oui, Salif, tu es beau. Oui. T'as raison, Salif. What? T'as raison, parlons des 11 à suivre de Bouscapé. Donc, dans l'efficience. Chaque année, Bouscapé sort un freestyle avec 11 rappeurs à suivre. Exactement. Tout au long de l'année. Tu peux avoir mes flowers là? Il y a beaucoup de. Non, mais déjà, juste tiens à dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce concept, il y en a qui aiment le concept, etc. Et tout. Nous, on est obligés d'en parler vu qu'on est une émission où on essaie de mettre en avant les rappeurs et les rappeuses émergents. Du coup, on suit ça avec un œil très précis. Surtout quand. Dedans, il y a des artistes qu'on a reçus. On est en mode ah! Ah, ça! Bouscapé, on est capté, on est connecté. Et il y a longtemps. Ouais, moi bon, après, voilà. T'as pas le modestie. Non, c'est pour toi. Ils font ce qu'ils peuvent. Non, mais en l'occurrence, du coup, il y a Théodora, il y a aussi Aaron Boy qu'on a reçu dans l'émission. Boy. Et en effet, si tu veux tes flowers, Farah, il y a une artiste dont tu avais parlé la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais fait une chronique sur Bébé Noya. Tu savais. Non, je te jure que je savais pas. Moi, ça avait... Non, je vous jure que je savais pas. Son clip dans la machine, dans le lavomatique, là. Une semaine avant. Qu'on arrache mes cils un, s'il vous plaît. Hyper bizarre ce que tu as dit. Non mais Farah, c'est un instrument de torture là. Farah, bravo. Merci. Voilà, une semaine avant, c'est cool, mais là t'es face à Yanis. Non, vraiment, mais c'est 3 ans avant. Je vais m'asseoir. Non mais je retourne m'asseoir. Une semaine, c'est pas mal. Ta petite semaine là, tu te la gardes, d'accord. Excusez-moi. Je peux aller me faire voir. Selon toi? Pour moi. Pour toi. Rien que pour moi. Juste pour toi. Théodora, elle s'en sort le mieux de tout ce groupe-là de jeunes personnes. Bah, je trouve. Elle est big, hein. Vous voulez lancer ce petit débat? Son projet de l'année dernière, énorme. Moi, je trouve que son couplet, moi, je trouve qu'à chaque fois, elle arrive à tirer son épingle du jeu. Bien sûr. Exactement. Montrer son univers et ouais. À montrer encore une strate de son univers. Quoi. Et d'ailleurs, son univers. Moi, je trouve. Son univers. C'est dur à dire. D'ailleurs, son univers. Non, mais je veux dire, je trouve que même Congolese Sous-Bibiel, l'arrêter à ça, c'est la réduire. Bien sûr. C'est tellement la. Non mais dans le projet il y a des sons de variété. On passe d'un truc à l'autre. J'ai le cas à mon casque. Les gens sont passés à côté. Ils vont découvrir petite. Tant mieux, elle a de la marge quoi. C'est ça qui est cool. Et toi Yanis, tu as pu voir les 11 rappeurs à suivre? J'ai Alors j'ai vu et j'ai react, c'est dispo sur ma chaîne secondaire. Ah bah voilà. Petite promo. Mais non, bah, moi j'ai pas kiffé du tout. Ouais. J'ai pas kiffé du tout. Alors, C'est ce Yanis qu'on aime. Ouais, c'est ce Yanis qu'on aime. Si vous me permettez, mettez-lui sa si vous me permettez, attendez. Allume-les. Fire qui met de l'huile sur le feu. Gilles et terme. Dis-nous. Non, bah, pour rester quand même courtois. Mesuré et courtois. Moi, je trouve ça dommage parce que je tiens quand même à dire que aujourd'hui, c'est pas le truc le plus bankable de parler d'artistes pas connus. Je tiens quand même à vous jeter des fleurs aussi parce qu'avec cette émission, bah, vous le faites. Et vraiment premier degré, je trouve vraiment, ça trop cool. On va ramasser toutes ces fleurs après. C'est là. Non, mais c'est trop cool parce que je suis bien placé aussi pour savoir que bah, quand tu parles d'un artiste que personne connaît, forcément, c'est pas le truc. Et donc, je trouve que Bouscapé ont un spot qui est super intéressant avec un concept qui revient chaque année, les 11 à suivre. Et je trouve ça un peu dommage. En fait, moi, quand j'ai regardé, j'ai l'impression que c'était les 11 suivis, quoi. Enfin, c'est des gens déjà suivis. Il y a Joe Lagrin dans la liste, il me semble. Non, c'est l'année dernière. Mais cette année, ce qui a beaucoup fait parler, c'est Yorcy qui, du coup, Yorcy, a fait oui, nouvelle école. Ouais. Même Théodora. Voilà. Théodora aussi, qui... elle est con. RN Boy aussi, il y a quand même pas mal d'auditeurs par mois. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce que, comme du coup, c'est pas un truc bankable de parler d'artistes pas connus et que ça arrive peu, bah, les peu de fois ça arrive, bah, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a encore plein d'artistes qui demandent qu'à avoir cette petite étincelle, ce petit coup de pouce qui va les faire pousser, leur donner ne serait-ce qu'un petit début de communauté au début ou de gens qui les suivent. Ouais. Et je trouve que pour le coup, là, clairement, il y a un raté. Il y a vraiment un raté. Objectivement, c'est raté. Donc voilà, mais SRE quand même. C'est ça qu'on... Non mais vraiment, c'est bien de donner son avis. Et aussi. Puis même, moi je vais dire que globalement je suis assez d'accord, mais c'est bien parce que t'as mis un peu de contexte, parce que je pense que en fait quand t'es un média, voilà, c'est tous les enjeux qui sont différents. Du coup, il faut que les gens, ils aillent quand même cliquer sur le truc. Donc peut-être que t'es obligé de mettre une ou deux têtes malgré tout. Donc c'est tout un karaté compliqué qui fait que, bah ouais, je pense que ça dilue un peu le truc. Et j'ai vu un tweet aussi qui m'a fait cogiter, qui m'a fait me dire, attendez, mais il y a ça tous les ans. Vous trouvez pas que c'est un peu du coup insultant pour ceux qui étaient là l'année dernière? C'est-à-dire ils ont un an juste pour péter très vite en un an c'est vrai. Mais bon, ça c'est l'économie dans laquelle on est aujourd'hui. Encore un an, c'est même long par rapport à il y a des projets en deux jours. Ça y est, on est en train de dire allez, sors-nous le prochain. Vas-y, s'il te plaît. Puis ça te met une étiquette parce que t'es en mode bon bah c'est comment là, allez, on va suivre. Voilà, t'as rien fait, t'as flop. Enfin c'est très rapide. Et puis quand tu regardes, plus ça vieillit, plus les gens du coup vont dire bah t'es où frère, t'es dans les 11 à suivre de 2010. 19, ouais. Frérot, bouge-toi, nanana. Donc c'est très risqué, mais en même temps, voilà, je pense qu'il faut passer par des choses comme ça. Il faut essayer de proposer des choses comme Yanis le fait, comme on essaie de le faire avec cette émission, et comme Bouscapé le fait. Moi, je me souviens. Bouscapé, dis-nous. Je me souviens. Ouais, t'en as jamais bu du Bouscapé? c'est très bon. Attention, c'est un peu serré. Hein. Moi, je me souviens de la première fois qu'il y a eu ce concept en France, c'était sur... Bien sûr. Le Ten Frenchmen. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Bah, c'était Balou qui avait lancé ça, je crois. C'était Balou. Il y avait Ateyaba dessus. Il y avait 3010. Mais ça remonte de malade alors. T'avais 6 ans, Farah. Il y avait Tony Carino. Si vous trouvez la vidéo, il y a moi dedans. Oh non, c'est vrai, je te jure. Mais quand t'étais... Mais le freestyle Ten Frenchmen. Ouais, il y a Pink T. Pink T, tu te souviens? Il était bon lui. Hein. Il y a Willow Amsgood. Oui, on se rappelle, nous, c'est les prix de fou, nous. Il y avait Joke, 3010 et tout. Je crois que c'est un des trucs que j'ai le plus écouté. Non, dans ma vie, j'ai mentionné Balou parce que j'ai vu que, en fait, sur son Twitter, si tu le suis, très souvent, il dit c'est moi qui ai fait ça. C'est dédicace au frérot parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses. Parce que les gens lui disent qu'il a rien fait. Voilà. Alors que le poteau, il est là. Souvent, il répond. Et en l'occurrence, je crois qu'il disait que c'était lui qui était à l'initiative de ce truc. Qui était à l'initiative. Il a dit juste après ça. Mais oui, parce que de base, c'est vrai que c'est un concept qu'un riz avec les Freshmen, avec XXL le magazine. Exactement, qui sortait Ten et French, pour le coup franchement eux, enfin je sais pas si tu suivais les Freshmen XXL et tout. Ah mais c'est tu... de fou, non, fou mais chacun sortait non, mais des... ils tombent souvent bien dans ils le milieu, ils sortaient des générations de rappeurs, hein. T'as une année, t'as Kendrick et sa Proki, enfin chaque année t'as 3-4 grosses têtes, tu vois. C'est la 2011 donc ils sont bons, mais là je crois que la dernière c'était pas ouf. Ouais, mais c'est dur de sortir des rappeurs tous les ans, c'est pas facile. Non mais tu fais bien de le mentionner, tu m'as débloqué un souvenir. Écoutez, attendez, là le temps passe. Ok, on va sauter un son. On va garder ce son Roxane là qu'on devait écouter. Et c'est celui d'après le son un peu hispanique. Je spoil tout. Oh ouais, on va sauter. Je sais c'est lequel. Ouais, on le Nueva saute. York. Ouais, on va le sauter. Moi, je ça me suis pris. Je me suis pris Bad Bunny comme tout le monde. Cabron de mierda. Mais en même temps, c'est une émission rap, donc on va prioriser le rap. Moi, ça me va qu'on l'enlève. Ça me va aussi. J'ai envie de faire un petit quiz. Parle mieux. Pour finir cette heure avec vous, les amis, j'ai envie de faire un quiz justement sur l'actu de la semaine. Voilà. Actu de la semaine. La concu. Je vous pose des questions, vous répondez. C'est un QCM. Voilà. Et à vous de trouver la bonne réponse. Ok, ça vous va? On y va tout de suite. Première question. Qu'est-ce que Riles a avoué dans son interview avec Mehdi Mehzi cette semaine? Oh, je sais. Je sais. Alors, ah oui, vous voulez pas le QCM? On sait. Duo carré ou cash, je prends cash. On sait. Mais j'avais pas prévu tout ça. Il s'est fait un torticolis. Attendez. C'est pas drôle. C'est ça. C'est une TS, c'est ça? Il a avoué qu'il a fait une tentative de suicide. Après, c'est pas drôle, on peut rire. Je sais pas si c'était une tentative ou il y a pensé. Il a dit qu'il y avait pensé. Il a dit qu'il y avait pensé, il a pas dit tentative. Excusez-moi. Non, moi qui ai écouté l'interview, il a tenté. Ah ouais? Ah oui, oui. Ok, il a tenté. Ok, peut-être que. Souvent, je suis à côté. Il parle d'une scène où il est dans l'eau pour un clip. Il a pris un truc. C'est ça, voilà. En gros, il a un peu essayé. Et il s'en est sorti, c'est le principal. Il va très bien, il s'en est sorti grâce au sport notamment. Donc voilà, ne sous-estimez pas. Tous les lundis, 11h à la House Factory. Si vous voulez faire un basket avec moi, ça c'est dit. Ensuite, deuxième question. Vous n'avez même pas besoin que je fasse le QCM quoi. Drake a porté plainte cette semaine. Oui, oui. Contre Kendrick Lamar. Tu veux quoi? Tu veux savoir quoi? Pour son morceau Not Like Us. Non, like us. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Des dollars, tu veux le montant des dollars? They're not like us, ça a pété sa mère encore plus! C'est ça? Une relance, ouais, bah même oui! Pas, ah ouais, que c'est, mais toi tu dis quoi, Yannis? Du coup, t'es... Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Bah alors je vous le fais. Kendrick a annoncé qu'il allait sortir un autre morceau pour le clasher encore plus sa mère. Kendrick a porté plainte contre les parents de Drake pour, je cite, avoir mis au monde une chialeuse! Les streams de Not Like Us ont chuté, ou les streams de Not Like Us ont encore plus explosé. Je pense que ça a pété! Pété! Moi je dirais la B. Kendrick a porté plainte pour ses parents de Drake. Ouais. J'aimerais bien que ça. Là où ça serait bien rap, ça. Bien hip hop. Mais c'est pas ça. Le genre de Kendrick. Il est très, très pisse, très truc. Il a le même bonnet que moi. Une petite balayette et après. Il fait du karaté pendant deux ans. Voilà. Non, c'est Salif qui avait raison. C'est que les streams ont re-explosé. On a tous eu raison, finalement. Ils se sont dit, ah ouais? Il a porté Drake. Il voulait plus entendre parler de cette histoire. Ça a relancé le truc. Mais en plus, c'est dans les accusations qu'il porte envers Universal, parce que c'est contre Universal qu'il porte plainte. Il parle aussi du. Enfin, il dit que c'est une atteinte aussi à ses origines. Israélite en fait. Il dit que c'est antisémite, enfin plein de choses. Il a plein de trucs à dire, Drake, en effet. Incroyable. Troisième question. Allez. Dans CKO, Chebé était invité, donc chez le frérot Balou et Chris. Tu veux savoir quoi? Je l'ai regardé. Il a annoncé qu'un aspect de sa carrière, je de sais, sa vie, je sais, lui a valu des problèmes. Ouais. Tu sais aussi? Je pense. Chebé. Toi, tu sais? Oui, je sais. Ok, ouais, tout le monde sait. Vous voulez que je rentre chez moi? À trois, on le dit. Un, deux, trois. Il est trop beau. Il y a des raclous qui aiment c'est pas. C'est marrant. Vous l'avez vraiment dit en même temps. Oui, c'est ça. Il est trop BG. Après, et c'est son avis. Non, mais ce qui m'a fait rire. Voilà, c'est ça que j'adore. Allez voir les commentaires. C'est un régal. Vraiment, que des gars en mode. Il est pas BG. Parce que nous on est jaloux parce qu'on est moche. Moi je le trouve frais. Il y a quoi? Mais est-ce que du coup, est-ce que ça a vraiment la question, c'est est-ce que débat. Ça a joué dans ah, pardon. Moi dans je voulais la parler que de précipitation de. Moi je trouve qu'il est BG. Moi je trouve que ça a pu jouer, oui. Moi je trouve qu'il est BG, mais il est pas BG au point où ça pèse, genre. Okay. Je sais pas ce que je veux dire. En tout cas, moi je trouve qu'il est frais de ouf. Je vous l'ai dit ou pas? Mais lui il en parlait pas comme un événement majeur. Il disait que ça n'a pas aidé. Moi en tout cas, ce que je trouve important à dire, c'est que je le trouve frais. Je vous l'ai dit ça ou pas? Tu l'as dit 4 fois environ. Allez, dernière question. 404 Billy, il a sorti son projet. Je sais que tu le suis. Oui. Tu ne le lâches pas, Yannis. Oh non. Il lâche pas la main. Tu veux savoir quoi? Tu veux savoir 404 quoi? Billy a utilisé une note vocale. Tu veux savoir quoi? D'un vrai artiste dans son projet pour faire une interlude. Mm-hmm. Vous savez qui c'est, Salif et Farah, vu que Yannis le sait? Non, je ne l'ai pas là. Celui-ci, je ne l'ai pas. Allez, QCM. Vas-y, QCM. Alors, soit c'est Damso, soit c'est le manager de Benjamin Epps, soit c'est Isult. Soit c'est Jean Jass. C'est Isult. Je pense que c'est Isult aussi. Il a utilisé une note vocale d'Isult. Non. Ouais. Et c'est non, c'est pas ça. C'est Jean Jass. C'est le double J. Ouais, mais c'est Jean Jass. Jean Jass. C'est une note vocale de Jean Jass. Et alors Gigi. Bah voilà, je sais pas, je peux faire des questions. Ils sont pas. Mais que dit cette note vocale? Ils sont pas, parce que lui, quand il en embrouille avec tout le monde, je me dis, est-ce que c'est. Ah, mais c'est une note vocale qui est pas à l'avantage de. De Jean Jass. Ah, bah ok. Ah merde. Voilà. Et bah vous irez écouter le projet, parce que là, il faut qu'on enchaîne. Mais on a de la chance, parce que Yanis, il va rester avec nous toute l'émission. Note vocale. Mais non. Et pour lui rendre encore une fois hommage, on va écouter un artiste que il y a plus aussi, de coca là. C'est lui qui nous a fait découvrir. On écoute tout de suite. Je suis Jimmy Iovine en fait. Furlax, Guap, let's go. Et quand je dois le faire, je dois empiler. Ramène-moi mon cash illégal, yeah. Ça paye pas, c'est la télé, non. Plan de retrait dans le bigo, yeah. Dehors c'est la merde, maman, ouais. Mais tu connais ton fiche et les bravards, ouais. Y'a des gens qui veulent pas nous voir là, non. Sans le seum quand on en face moula. Baby maman monte sur moi. J'ai le sang chaud, baby comme magma, magma. J'ai le permis pour toi. Tout ce qu'il faut, j'ai ça pour toi. Puzzle de mots et de pensées. Là où jamais j'atterris. J'appelle Cortez pour la batterie. 2003, je me sens comme si c'est tout pour le cash, pour le quap, quap, quap, quap, quap, quap. Cavre négro, je suis affilié, hein. Cavre négro, je suis affilié, yeah. Tout pour le cash, pour le quap, quap, quap, quap, quap, quap. Toutes mes bêtises font des billets, hey. Toutes mes bêtises font des billets, yeah. Je suis juste là pour empiler, hein. Tire dans le tas, dans la mêlée, hey. Y'a que Dieu qui peut me juger, hein. Personne peut m'empêcher de briller, non. Pour le cash, pour le guap, guap, guap, guap, guap, guap. Cavre négro, je suis affilié, hey. Toutes mes bêtises sont des billets, yeah. Ouais. Je le fais pour celle qui m'a allaité. Tu m'aimes pas négro, je sais pas qui t'es. Suce-moi bétour à la voie lactée, hey, ok. Y'a que dans tes sons que t'es énervé. Je suis dans le réel, faut qu'un NFT. Que Dieu bénisse ceux qui m'ont aidé, hey. T'étais où quand j'étais dans le ghetto? Planifier des bracos, hein. Garde la tête haute pour le très haut, yeah. Ouais, sur mes dents j'ai mis un lingot, hein. J'fais de la jazz wave, pas de la techno, yeah. L'univers qui fait la promo, ouais. Tout pour le cash, pour le quap, quap, quap, quap, quap, quap. Cavre négro, j'suis affilié, hein. Cavre négro, j'suis affilié, yeah. Tout pour le cash, pour le quap, quap, quap, quap, quap, quap. Toutes mes bêtises font des billets, hey. Toutes mes bêtises font des billets, yeah. Là pour empiler, hein. Tire dans le tas, dans la mêlée, hey. Y'a que Dieu qui peut me juger, hein. Personne peut m'empêcher de briller, non. Tout pour le cash, pour le guap, guap, guap, guap, guap, guap. Cavre négro, je suis affilié, hey. Toutes mes bêtises sont des billets, hey. Move Radio. Move. Vous avez l'âme d'un gamer et vous n'avez pas de console? Alors la semaine prochaine, Move vous offre votre PlayStation 5. Dès que vous entendrez le signal entre 6h et 9h dans On n'est pas fatigué et entre 16h et 18h45 dans Bang Bang, appelez pour vous inscrire aux deux tirages au sort de vendredi. La semaine prochaine, gagnez votre PS5 sur Move. Move! Ouais, ouais, ouais, on enchaîne, il est 20h02, ouais, ouais, moins 10K! Eh ben, tout ça, t'as failli. J'ai failli. Moi aussi, vous avez envie de rapper? Moins 10K. Hey, let's go. Hey, moins 10K. C'est moins 10K. C'est moins 10K. Moins 10K. C'est moins 10K. Moins 10K. Ok, c'est moins 10K. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, salut. Ouais, ok, moins 10K, c'est parti, ouais. On arrive en deuxième émission, on est les meilleurs, ouais. Toutes les autres émissions de Moufolé, arrêtez de les écouter, ouais. Belek. Faut arrêter d'écouter les autres émissions, faut écouter que nous. Non, Belek, ça c'est un problème pour tout le monde. Ah, on n'est pas en concu avec nous-mêmes. Non, on travaille avec eux. Merde, on les adore. Peut-être les autres, peut-être les quartiers d'en face. Tout ça, c'est nos potes. Mais bien sûr. Ah, ok, pardon. On est en bleu sang. Smerly, pas les quartiers d'en face. Tu fais exprès en plus. Je suis désolé, les gars. Moins 10K, deuxième partie d'émission. Tu seras jamais métisse. On a parlé, on a parloté, on a écouté de la musique, on s'est ambiancé, etc. Deuxième partie d'émission, on va recevoir l'artiste de la semaine. Et vu qu'on a les savoirs de Yanis, vu qu'on a sa vision, vu qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir découvrir de la musique, on lui a demandé qui on doit inviter. Et c'est lui qui est le parrain de l'émission. Ouais, c'est ça. Comme ça qu'on dit, t'es le parrain de l'émission. Le Don Corleone du voilà. Underground. Et du coup, c'est toi qui nous a mis sur la piste de l'artiste de la semaine. Piste avant de le recevoir, vu qu'on a beaucoup parlé, on va s'écouter 4 morceaux d'affilée. Voilà. Si vous voulez faire un petit jeu, sachez que ces 4 morceaux d'affilée, ils ont un rapport. Ils ont un lien entre eux. Donc, je vous invite à essayer de le trouver. Si vous n'avez pas envie de jouer, bah, juste écoutez-les parce que la musique est bonne, comme dirait Jean-Jacques. OK? On écoute tout de suite le premier. Jola Green, Maybach, Flo sur Move. On y va! Yeah! Fallait que je trouve la solution marketing. Je remercie Jesus Christ, mon ref muslim, remercie Allah. Je me suis déjà demandé ce que je ferais avec cash tardibala. Fait que le Magnolo dans le Mirador à chaque chop, il dit qu'il va là. Hein? J'ai promis à maman, j'ai promis à pape. Ils savent que leur fils il exerce vite des bêtes, je passais le cap. Il faut un expert comptable, j'aime le fric et la guerre totale. J'suis un peu comme Do You Ching, un seul conseil, go Do You Ting. J'ai pris la voie qu'il fallait pour devenir king. C'est pas mon frérot, il m'aime pas, il veut pas, je bling bling bling. Si je finis sur le top du building, il voudra me pousser, hein. Il me faut tout l'océan, pour ça faut pas que je côtoie les fainéants. J'suis un peu comme moi de mon rêve, j'ai peur qu'après la mort soit le néant. Hein, je demande c'est quel mélange. Hein, j'ai une fin de balai un peu gringalet. Vite vu que j'allais devoir utiliser plein de balais. Sympa les vues que tu fais, est-ce que tu remercies le God ou le Bleudia? Sur la viande, je prends un feu Boja, Kodak, Mbak ou Gat Koga. Trahir mon mot que je peux pas. J'ai faim, réveil, big tap, tous présents pour le repas. Hein, trahir mon mot que je peux pas. J'ai faim, réveil, big tap. Hein. With each minute, loneliness gets deeper. With each minute, the situation gets clearer. Fallait que je trouve la solution en marketing. Je remercie Jesus Christ, mon ref muslim, remercie Allah. Je me suis déjà demandé ce que je ferais, le cash tardibala. C'est que le Magnolo dans le Mirador à chaque chop, il dit qu'il va là. Hein? J'ai promis à maman, j'ai promis à pape. Ils savent que leur fils il exerce vu des bâtons, je passais le cap. Ils font un expert comptable, j'aime le fric et la guerre totale. J'aime quand je suis de la cabine, on me dit que c'est sale. Okay. J'ai utilisé pas mal de fois la phrase give metal. Avec qu'on fasse du shop et du shop et du shop avant fin de l'escale. T'as envie mon ref c'est le principal. Combien de mecs ont pris les balles. Tiens. Yeah. Faut que tu trouves la solution marketing, G. Make it look easy, my pen been on rim. My niggas been on kush, my bitches been on next. King of California, give a fuck who got next. I'm right now, bump your gums and the ratchet'll shoot ya. Send your ass back to the future. No DeLorean, Aventador and shit, bump the future. Why your girl pulling on my hookah? Money stretched like Kama Sutra. Started with the roosters, then I start spitting clean the money like a loofah. 6'5", tall like a hooper. Ball like a hooper, on the floor like a hooper. So I must be Clay with the 38, Thompson with the Thompson. Everything about me Compton, I mean everything about me bumped. And I ain't never had shit, I grew up like Magic Johnson. What it do, blood? Talk of the town, Primo, Doc Dre still holding it down. Aftermath, do the math, nigga, you know the sound. Doc 2, thought you knew, still holding the crown. Yo, what it do, blood? talk of the town. Primo, Doc Dre still holding it down. Aftermath, do the math, nigga, you know the sound. Doc 2, thought you knew, still holding the crown. I taught myself how to spit from listening to It Was Written. My first bars wasn't dope, but I had that in the kitchen. Suge wouldn't listen, Irv wouldn't listen, so I ran around with Diddy, Aftermath, in the mission. I would never ask another man for permission, I do me. Fuck the Illuminati, I'd rather ride around in hoopties. But now it's the ghost, my gold D's is 2-3s. Still hopping a freestyle, kicking like two Bruce Lees. Cut open the new sleeves, foreign on the hill like it's Lauren. Smoking la la like the Fugees. Thinking to myself, is it God or Lucy? Prada or Gucci? Popping Chris, Rihanna Carucci. Homie, I ain't got a gas, I'm so ahead of you fags. The shit I spit on Primo tracks, burn Confederate flags. Take the roof off roof, give me proof back and Tupac. Westside, but you already knew that. So what it do, blood? Talk of the town. Primo, Doc Dre, still holding it down. Aftermath, do the math, nigga, you know the sound. Doc 2, thought you knew, still holding the crown. Yo, what it do, blood? Talk of the town. Primo, Doc Dre, still holding it down. Aftermath, do the math, nigga, you know the sound. Doc 2, thought you knew, still holding the crown. I've been rapping for 12 years, 6 months, 16 days. Now I'm a veteran, spit a 16, 16 ways. 16 in a clip, spit a 16 ways. I know 16s pull up to a sweet 16 and spray. I'm like 16 J's, but the B I can manage. So every sweet 16 is like Duke in Kansas. You about to lose advantage. I will come through, cruise abandoned, bruise and damage. Fuck your rules and manners. I kick back, click clack. Bump the Wu and Phantoms. Fuck rap, I only respect Ja Rule and Hammer. Maybe the old M, I'm slim and I'm shady. Maybe the old him, or rock him. You niggas keep bullshitting like Joe Kim. You so him, I'm so not. You so bitch, I so rock. My fofo's cock, been a top dog, I no die. Back in 06, I pulled up in that gold drop. 5 million soul living in a dope spot. Back when my first album was the talk of the town. Primo, Doc Dre, still holding it down. Aftermath, do the math, nigga, you know the sound. Doc 2, thought you knew, still holding the crown. Yo, what it do, bro? Talk of the town. Primo, Doc Dre, still holding it down. Aftermath, do the math, nigga, you know the sound. Doc 2, thought you knew, still holding the crown. The documentary. Damn it, I done did it again. Game still in Cali. Game still in Cali, eating off the documentary. The documentary. Damn it, I done did it again. Check it out, man. I go by the name of the world famous DJ Clue. Desert Storm. Shout out to my nigga Game. When I first came to the West Coast, and me and Game hit the studio up, and he rapped for me, I knew he had all the key ingredients to become a legendary rapper. Yeah, it's DJ Envy from that Breakfast Club. I remember the first time hearing the Game. I just knew he was gonna be one of them niggas, one of them legendary niggas. That boy Game, he's a problem. I got my money on him. Funk Flex, baby! I dropped the bomb off every one of them joints off the documentary. Move. Moins de 10K. Avec Anis. Revenu sous X, capuché, masque le visage comme si boy, ça m'évite de caler des pics. Le cul entre deux chaises après le showcase, elles ne veulent que me parler de X. Je fais ce que je sais faire de mieux, sourire quand je suis heureux, sourire quand je suis triste. Être riche comme le daron, Ethan et Kix, sur mon flow pas les lyrics. Ils me prennent pour qui, pour que je fasse la morale à leur fils. Fuck ton avocat d'office, fuck ton avocat d'office. À deux doigts de rejoindre Redon Fight. Quand le down était proche de la fight. Mal à l'aise quand je rentre de la fête. Avec ses strass et ses poètes. Y'a que pour ma mère que je paye l'addition. J'enquille leur code et leur tradition. Mieux contrôler mes apparitions. À la recherche d'une femme qui partage pas mes sons. J'ai mis un casque comme mes grands frères. J'aurais pu être en X comme les Daft Punk. J'm'éloigne du game, y'a plein d'acteurs. J'avais le rêve d'être étoilé par rappeur. J'suis pas le problème, j'suis entraîné. Même équipe, différent training. Niggas and trap, on a traîné. Génération Charola, X, bébé. Capuché, masqué le visage comme si boss. J'suis OP, j'vais serrer, entouré de tarés. Les tarots sont carrés, j'veux m'barrer, revenir sous X. Me barrer, revenir sous X. Pas le problème, je suis entraîné. Même équipe, différent training. Niggas and trap, on a traîné. Niggas trap on a traîné. Même équipe différent training. Niggas ain't trap on a traîné. Niggas ain't trap on a traîné. Génération Charo la fixe le bébé. Move. Paris. Lili. Midi. La prod elle est luxueuse. On juste sorti la chaîne. Prada, Moncler. Tu sais, je parlais de bijoux de marque bien avant de pouvoir en avoir. Maintenant, je me bats pour pas tout perdre. C'est pire. Je n'ai que le monde et ce qu'il contient. Tiens, solo, j'avais besoin de soutien. Joueur rouge, parce qu'il est hautain. Qui me juge à cause de mon teint. Le diamant, il pleure sur moi. S'en fout si j'ai pas fait l'ENA. Il m'aime quand même. Mes univers dansent sur moi. Le diable me fait des sérénades. Me tire les dalles. Je suis passé au stud. Aujourd'hui j'étais pas en forme, ta bouche est active, faudrait que tu la fermes. Vite, toi tu m'as dit que t'étais un vrai G. Pourquoi les bleus tu les enfants? On a fait nos gaffes ensemble, pour graver nos blases sur le banc. J'ai dû faire mes classes sur le champ, mais c'est la vie, j'ai pas joué une canne sur les champs. L'idiot il parle sur les gens, le sage apprend comment les finesse. Ok il est joué en finance, mais la fève il est maudit, il fallait pas qu'il naisse. Je meurs, je finis dans le Guinness. Il les prend à la gorge comme mon Doberman. Dash money c'est fini Pokémon, je trap et j'appuie ta main. Prêté ou la mer, comptez sur moi. J'ai dû mettre mon cœur dans un étau, je me dis que le love c'est pas pour moi. Pour moi, y'a du pain, y'a v'là les taux. Malgré que même moi, j'trouve c'est bizarre. Je viens de là, j'connais la danse des métaux et le chant des guitares. Les doigts qui gèlent dans les blizzards. J'ai fait des feux d'or, j't'en mis sur le canapé de table. Là, au fond, mais j'me sens à ma place. À côté, me demande mes papes, la rap. J'dis, monsieur l'agent, j'pense pas à ta rap. Tu poses des questions sur la marque. J'lui dis, t'as pas les épaules pour ça. J'ai donné ma vie pour ça, ma vie. Toi, tu me touches les couilles comme un clochard abruti. Cette chaîne de vie m'engloutit. J'suis matrixé, là, j'suis passé des tranchées à faire les boutiques. Faire les colis de perles, mes blouis. Elle me kiffe, elle m'appelle Louis. J'suis toujours dans le boucan, dans le direction. Quand j'peux, j'évite le bruit. Marcher dans la tempête avec Mojdoun à la recherche d'une putain de flamme. On nous a trop endormis avec. Maintenant, j'crois plus en tes putains de femmes. J'parle beaucoup de filles, j'me demande souvent pourquoi le malin a plus d'un fan. J'suis trop instable. Pour ça que j'suis mauvais quand il s'agit de tout. J'ai passé au stud. Aujourd'hui, j'étais pas en forme. Ta bouche est active, faudrait que tu la fermes. Vite, toi, tu m'as dit que t'étais en vrai. La fève sur Move, let's go! Yes! Moins de 10K jusqu'à 21h avec Anis. Move. Moins de 10K avec Yanis. J'allais dire avec On appelle Anis. Yann maintenant. Non, mais en fait, j'allais faire une bavure sur mon prénom et c'est devenu le sien. Wow. Donc, vous ne faites plus qu'un? Tu m'as rattrapé. Donc, avec Yanis, Salif et Farah, on vient d'écouter 4 morceaux d'affilée. Ils ont un lien entre eux. Salif me disait, il n'y a pas de lien. Si, ils sont tous produits par Tariq Azouz. Et c'est exactement ça. Ils sont tous produits par Tariq Azouz qui a annoncé qu'il allait sortir un projet. On a vu la liste de noms. On est hypé. Il y a un son qui est sorti aujourd'hui aussi. Mais on pourrait en parler des heures. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Parce que là, pour l'instant, on s'en fout de cet album. On en parlera à un moment donné. Là, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est l'artiste de la semaine. C'est El Walid, juste pour nous. Il va nous faire un live. Let's go. Ouais. Avant tout, j'ai fait une prière, j'étais mal les cieux. 2015, on était v'là les chums. Marginal, on n'était pas les seuls. Fumer les Marie-Jeanne, j'ai démarré jeune. À l'adolescence, la flamme adore l'essence. Je lâche mon couplet comme une maman donne naissance. Nous jeter le mauvais œil, tu pourras pas. Fit, fit, crossover, tu te demandes, elle est où la balle? Déjà dans le panier. Le gun fait le bruit d'un petit piaf. Piou, piou, piou. Jeune beurre fait son taf entre deux tafs. IQ, Denzel, dans un cuir, 3 quarts. Je suis au studio toute la nuit, sur mon t-shirt y'a 3-4. Ce que j'ai, ça te blesse. T'as une faille dans ton cœur et c'est pas mon problème, homie, reste calme. Vision, holographique, on les scanne. Là j'ai les crocs, Coty et Canette. J'allume un arbre avec le poteau Leska. Il est Leska, je le suis aussi. Tu te sens fier, tu dis quand tu rappes ça fait un génocide. Perso quand je lâche un texte, ça enfante une vibe. Attention à nous, trop d'égo c'est nocif. Nique un keuf qui abuse de son pouvoir. Nique un cum qui dit nique un keuf pour être à la mode. Je suis en mode, vais-ce qu'il est mort à la mort. Placement nickel chrome, freestyle chez Move, je vais nickel chrome. Oui oui c'est là, je l'embellis à chaque 4, machallah. Mon cœur s'échauffe bientôt, il a plus besoin de ma chapka. Ralas cash, espèce 12 avril, je vois des fleurs qui remplacent la neige. Rappé faire, je suis le professeur et y'en a un peu qui passent l'année. Ramène mon signe astro, je suis devant la porte. Nouvelle ère, levant la porte. Nouvelle ère, je vais gouverner. La santé c'est l'essentiel. Je viens les brûler comme les sorcières. Je suis au-dessus d'eux et sociel. Si ils volent près de moi, il va canner, il car. Bel et qu'à lui, je suis au stud d'à peine, je branche un câble et il crame. Une bouteille de tisse du camel, des boulettes de shit qui cramaient. Joyeuse année, signé Kemel, je découpe comme un shinigami. Force aux reufs qui se lance dans le mannequinat. Tranquille, je rap en 16, j'attends qu'il pleuve pour rééquilibrer le climat. Je te parle pas si t'as pas l'air cool. Et même si c'est le cas, je le fais hap, je m'en bats les couilles. Je rappe tout le monde et à l'écoute. Avec ma belle, je suis dans une belle suite. Mental d'acier, même sous cannabinoïde, lavé, je m'en rappelle. Bédavo stud, on dirait que c'est légal, comme madame. Plein d'amour, comme madame, je la garde comme la dalle. Plein d'amour, comme madame. Je parle de Charlotte Yasmine, là, bisous. Moi. Je la garde comme la dalle. Gang, gang, gang, gang. El Walid, ils disent que je suis très chaud. Je dis que je suis de Genève, moi. El Walid, ouais, ouais, ouais. Bang, bang, bang. Juste pour nous, El Walid, en live, en direct, avec nous. Voilà, le morceau, c'était Coty et Canette que vous venez d'entendre. Il est disponible dans son projet qui est sorti, qui s'appelle Il y a un soleil en moi. Si vous voulez aller écouter ça, si vous avez trop aimé, vous ne pouvez plus écouter l'interview, vous avez besoin de vite aller tout de suite. Eh bien, c'est possible, c'est possible. Donc, Coty et Canette, voilà. Et en off, Yanis qui nous a fait découvrir cet artiste. Merci à toi. Encore une fois, des fleurs. Tu as demandé que veut dire Coty et Canette. Oui, parce que c'est, j'ai écouté énormément de fois le son et je me suis toujours demandé, je vais poser la question. On fait une interview. Et c'est fou, il est devant moi. C'est le moment. On peut poser ces questions. Dis-nous, El Walid, que veut dire Coty et Canette. Écoute, alors dans la genèse du morceau, Coty et Canette, ça reparle de moi et mon poteau Leska. Le moment où on a commencé à faire du rap, donc j'étais avec mon poteau tous les soirs, on se la butait, type beat, freestyle, nanana. Et du coup, à chaque fois, on se posait, on avait canette de bière, canette de soda. Et du coup, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on se cotise pour pouvoir rouler des pétards à deux, tu vois. Coty, canette. Et on carbure, longtemps. C'est l'essence. Je suis satisfait donc par la gars. Donc il y a cette notion d'économie et de récupération qui la meuf qui surintellectualise tout, tu sais. Recyclage, je pense. C'est juste des mecs qui se fait le crâne en fait. J'adore ce RP, j'adore ce RP. Ce que veut dire l'auteur quand il dit Coty. Oh, l'analyse de texte, j'ai envie de te mettre un coup de poing. El Walid avec nous, du coup, le projet c'est Il y a un soleil en moi. El Walid, tu l'as très bien dit, mais tu viens de Suisse, tu viens de Genève. Ouais. Voilà, on va profiter de ta présence pour essayer d'un peu te connaître et parler un peu de toi. Volontiers. Et on va aussi écouter des musiques. Des sons. Voilà, on va profiter. Du bon son. Profiter du moment qu'on a ensemble. Il n'y a pas longtemps, il y a le média et magazine Mosaïque qu'on a reçu plusieurs fois, qui font du très bon travail. Ils ont fait une sorte d'article, reportage sur la scène suisse. Et du coup, je lisais un petit peu les avis. Voilà, il y a plein d'artistes qui répondent, Slimka notamment. Et je crois qu'ils disaient que par rapport à la Belgique, les gens ont la vision qu'en Suisse, tout va bien. Et que du coup, c'est très dur de venir rapper, il y a des problèmes, etc. Et que le public a du mal à genre accepter de avaler cette pilule. Est-ce que t'es d'accord avec ce constat? Donc en mode c'est ma première question. C'est la question la plus deep du monde. J'aurais pu te demander est-ce que ça va. J'ai décidé. La géopolitique maintenant. De te mettre dans les flammes. Non, bah parce que je me suis dit est-ce que c'est vrai, est-ce que je suis d'accord, et en même temps j'avais pas la réponse, donc j'en profite de. Il a jamais fait une question aussi compliquée. Gros, j'ai jamais répondu à une question aussi compliquée. Non mais voilà, parlons un peu de cette scène suisse. Est-ce que tu sens ce truc-là? Est-ce que tu sens ce truc d'outsider, c'est dur d'essayer de se faire comprendre du public? Je sais pas. On va dire que si quand on dit public francophone, le grand public c'est la France. Je pense qu'il y a une musicalité un petit peu différente en Suisse, donc dans la partie francophone de la Suisse, tu vois, notamment Genève. Après, difficile à faire comprendre, je sais pas. Oui et non, j'ai envie de te dire, moi, pour moi, Makala, je comprends pas pourquoi il casse pas plus tout, tu vois ce que je veux dire, en termes de stade. Un Makala, ensuite, je dis ça, tu vois. Bien évidemment, tout le monde a la lumière, en temps et en heure, mais... Mais pour toi, il réunit tout ce qu'il faut, donc c'est pas une question de... Plus que ça, ouais, bien sûr. Et est-ce que, du coup, t'as grandi avec cette vision de on regarde le marché français en mode il faut qu'on termine tout, ou toi t'es plutôt piste dans ton process d'artiste? Tranquille de ouf, non, okay. Clairement, bah moi en même temps il y a plein de rappeurs qui m'ont inspiré de ouf qui sont français, tu vois. Donc je vais pas c'est pas en mode aller guigner et puis pour aller faire non moi je m'inspire de ce qui vient. La musique en français elle est bonne, tu vois. Elle est clairement bonne, mais celle en Suisse n'est pas moins bonne, tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça. Et qu'est-ce qui définit alors le fait de rapper en Suisse? C'est quoi cette couleur en plus? Est-ce qu'il y en a une déjà? Est-ce que c'est peut-être pas déjà un stéréotype de penser ça? Je pense qu'il y a une... Moi, en tout cas, moi, j'entends une couleur, d'une certaine manière. Moi, je sais que... Où il y a un moment, en tout cas, où je l'entendais beaucoup. Moi, je sais que c'était quand j'avais... Il y a 6 ans ou quoi. Enfin, le moment où nous, on s'est pris un peu la vague belge. On dit la vague belge. À ce moment-là, nous en Suisse, donc à Genève, beaucoup ceux qui représentaient le rap, c'était Super Wack, tu vois, Extreme Boys. Et à ce moment-là, moi j'ai le souvenir que t'entends un son, de par la prod ou de par la voix, tu sais, ah ouais, ça c'est en France, tu vois. Ah ouais, ça vient de Belgique, okay. Ah ouais, ça vient de chez nous, tu vois. C'était plus clérosé. Tu vois, la culture locale de la ville fait que il y a les différences. Exact. Maintenant, moi je pense qu'il y a encore ça. Maintenant, le définir, je sais pas. En tout cas, moi, je peux dire que le rap à Genève, de ce que je connais, il est créatif de ouf. Il est riche. Il veut travailler sa singularité, je pense, aussi. Et il est trop bon, gros. Il est trop bon, le rap de chez moi. Mais en fait, je crois que la phrase que j'ai citée tout à l'heure, elle m'a fait tiquer parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un truc, mais j'aime pas, moi, les généralités, tu vois. Justement, on a reçu plein de rappeurs ici. On a reçu Hachim, qui est un rappeur de Marseille, qui, lui, veut pas s'inscrire du tout dans la connotation du rap de Marseille. Donc, moi, nous, on encourage ça. Mais en même temps, là, en tout cas, de ce que j'ai l'impression de voir du rap suisse, vous avez quand même ce point commun d'être, d'une certaine manière, très raffiné dans vos prods. Ouais. Je trouve que c'est vrai, vous êtes raffiné. Oui. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas milliardaire en Suisse. Mais vos prods sont milliardaires. Les montres sont chères dans la prod. On peut comprendre le SMIC, le minimum salarial, on arrive à le comprendre. Moi, le rap suisse, il m'a toujours fait penser au rap d'Atlanta, un peu la G-South et tout, et qui était représenté à l'époque par Outkast. Ouais. Ce truc De ouf. Pour moi, c'était ce début de... Bon, bah, il y a les standards, il y a le mainstream, et puis nous, on arrive avec un truc, et il l'a très bien dit, cultiver la singularité. C'est un truc qui est quand même très propre, sans mettre de trucs précis dans les codes. Hein. Ça peut être cultiver une singularité de n'importe quelle couleur, dans n'importe quelle dimension, mais en tout cas, de le faire. Et il y avait cette démarche, et moi, j'avais fait un truc sur Makala où je disais que ça m'avait beaucoup fait penser à Outkast, dans ce truc de on s'inspire de ce qui se fait, mais. Ça se ressent pas dans notre musique parce qu'on est complètement détaché. Et c'est un truc qui est assez propre beaucoup à. Bon, on parle de Genève, mais il y a d'autres villes en Suisse. Mais c'est vrai qu'en plus, la Suisse, vu que c'est un petit pays. Bien sûr. Et que la Suisse francophone est encore plus restreinte. C'était très vite limité aussi. Donc la question, c'est est-ce que tu vas faire un album de flûte? Tu vas pas cultiver un jardin? Il est au début, là. Bon. Mais en tout cas, justement, maintenant, on a posé ce contexte-là, Suisse, etc. et tout. Maintenant, on a envie de parler de toi. On a envie de parler de ta musique et même un peu de ton parcours pour essayer de comprendre. Parce que là, tu cites des époques, etc. Des moments où tu as été peut-être influencé. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu étais déjà dans la musique? Quand est-ce qu'il... C'est quoi le début de toi qui te dis j'en fais? Parce qu'il y a le moment où on rappe un peu comme ça. Il y a le moment un peu où on switch, on se dit... Ouais. Je crois le moment où je... Bon, bien sûr, je commence avec mes potos, ça freestyle, ça vient de machin. Mais ça, très jeune déjà? Je sais pas. Ouais. Ça dépend de ce que tu veux dire. Moi j'ai commencé, j'avais 18, je pense. Moi 11, donc j'ai gagné. Oh non. La compétition, elle est systématique. Ça rend toutes les discussions très désagréables avec ce mec. Donc ouais, dès 18 piges, entre potes, on freestyle, on met des prods, sans se prendre trop la tête. Et puis moi, tu vois, je suis très passionné, entre guillemets. Tu vois, j'aime un truc, je me mets à fond, j'ai envie de tout avoir, j'ai envie d'acheter des trucs. Donc, bref, je suis là, j'ai un pote d'un pote qui a un studio. On va pour enregistrer des premiers trucs. J'y prends goût. Donc ça devient concret. Bon, ensuite, c'est petit, tu vois. C'est les trucs qu'on fait tourner à nos potes. On peut faire exister la matière. C'est matériel, tu vois. Et après ça, donc, au moment où il y a eu l'enfermement Covid, ouais. À ce moment-là, bah, du coup, le studio il était fermé. Ouais. Et bah, je me suis dit, vas-y, je vais pas arrêter de faire du son. Donc je me suis acheté une Focusrite, un okay. AT2020 là. Tu voulais pouvoir faire toi-même ouais, ce que tu ouais, veux. Quoi. En fait, j'avais envie juste de, t'sais, d'avoir le, me donner les moyens de pouvoir faire ma passion au quotidien, entre guillemets, tu vois. Surtout qu'il y avait un petit élan et là, il était un peu coupé. Ouais, voilà, exact. Tu voulais pas. Et puis il y avait toute une effervescence parce qu'on était tout un petit groupe de potos, tu vois, 5-6 comme ça à rapper. Et puis bref, du coup, j'achète le matos, je m'y mets. Je me rends compte que ça sonne mal, tu vois. Et ensuite, je me rends compte que, vas-y, les Thai Beats, c'est stylé. Il y en a des putains de stylés, d'ailleurs, tu vois. Vas-y, au bout d'un moment, ça fait chier de payer et tout, tu vois. Donc bref, tuto, je commence à m'y mettre, tu vois. Je regarde pour la prod, pour faire du mix, nanana. Je fais des trucs de merde pendant longtemps, tu vois. Ouais. Bref, je me fais mes armes et tout. Et au final, bah, c'est aujourd'hui, tu vois. Maintenant, j'arrive à faire un minimum mes trucs. Je suis content, tu vois. Donc là, sur ton projet, c'est toi qui produis. C'est moi qui ai produit, c'est moi qui ai mixé aussi. Non, mais c'est dingue. C'est ouf. Tu savais, Yanis ? Ouais, alors, je savais, mais c'est moi, ça m'impressionne. Tout à l'heure, on parlait d'Ino Casablanca. Moi, je trouve que c'est fou. Cette nouvelle génération de rappeurs qui arrivent, qui ont développé ce truc de débrouillardise. De débrouillardise. Total, en fait. Ouais, et puis, moi, je trouve sur Il y a un soleil en moi d'Al-Walid, ça se ressent énormément parce que du coup, c'est comme s'il était en symbiose avec sa propre. Enfin, il est pas dans un échange avec un producteur où il dit bon bah qu'est-ce qu'on fait. Non, il est avec lui. Oui, mais lui-même tellement et... que moi je croyais qu'il y avait des icos là. Je croyais qu'il y avait un guitariste. Parce que du coup c'est. Enfin, tu vois, il y a pour moi il y a les gens qui font de la musique chez eux et qui vont faire des choses très électroniques. Ouais. Là, il y a un truc un peu organique et tout. Exactement. Et en plus, tu fais bien de le dire, mais bah, justement, dans l'album Il y a un soleil en moi, dans Jeune Beurre, tu dis H24, ça fait 3 ans que je me voue à l'art, j'ai appris à tout faire moi-même. Ouais. Donc concrètement, tu vas passer je vois par. L'art. Pardon. Non, mais ensuite, n'hésite pas. Vraiment, la n'hésite rime pas. Était riche, mon ami. Il fallait. N'hésite pas, vraiment complète. Mais du coup, ça va passer par l'instrumental, par l'émotion que tu veux communiquer, par ton écriture aussi, le mixage derrière. Ouais. T'as justement toute cette palette qui te permet aussi d'être un jeune artiste, mais d'être un jeune artiste bah, complet, quoi. Ouais, et puis c'est aussi c'est dans le plaisir, tu vois. En fait, moi, je me suis rendu compte que j'aimais. Pouvoir tout voir, tu vois, être un peu à la tête de tout, entre guillemets, tu vois, mais pouvoir gérer toutes les étapes sans se fermer au collab, bien sûr, mais tu vois, savoir, tu vois. Tu voulais quand même construire d'abord ton identité Je voulais mon truc et je voulais pas perdre de temps avec des politesses ou de la communication, entre guillemets, tu vois. Mais le truc, c'est que ta communication, on en parlait justement en plus avec Yanis, bah, la pochette de l'album, elle donne trop envie. Ah, si, merci beaucoup. Genre, mais merci beaucoup. Tu vois, tu t'es pas photographié tout seul, quand même. Non, c'est ma copine qui m'a pris en photo. JR, c'est une super photo, franchement. Charlotte, bisous. La photo est zinzin. Vraiment. Et c'est vrai que t'as raison, Farah. Moi, en tout cas, alors l'album est excellent et tout, mais c'est fou parce que dans ce méga volume de production, d'albums, de rap, de plein de rappeurs et tout, en fait, t'es toujours un peu obligé de tirer ton épingle du jeu avec bah, ce qui est autour de la musique. Et donc, moi, il y avait deux choses. C'était déjà la cover, effectivement, qui est magnifique, et le titre. Il y a un soleil en moi m'avait intrigué parce que je me suis dit ah c'est drôle parce que c'est un peu poétique et en même temps qu'est-ce qu'il veut dire il y a un soleil en moi et en fait quand t'écoutes l'album il y a ce truc de en fait bah c'est et puis ça rejoint aussi bah le truc de bah je fais tout moi-même je fais tout... en fait le soleil des fois on peut penser que c'est les autres mais en fait c'est nous ouais. Voilà. Wow. C'est beau, là, c'est beau. La séquence émotion. C'est beau. Après, il allait la chercher. Reprise hein. Que lui a mis dans la. J'ai juste écouté l'album en fait. Voilà, ok. C'est tout. Il a failli lui dire, t'as un DA. On peut le faire. Non mais puis c'est très fin, c'est très fin, c'est très subtil et plutôt surprenant pour quelqu'un de full indé comme ça de son côté qui fait ça. Donc moi c'est ça qui m'avait sauté aux yeux de prime abord. Voilà. El Walid, il y a un soleil en moi du coup disponible sur les plateformes si vous voulez vous plonger dans tout ce qu'on est en train de discuter. Paradoxalement, on va écouter un morceau qui n'est pas dans le projet, mais qui est sorti juste après. Mmh. On va écouter. Il y a une lune en toi. Voilà. On va écouter le morceau qui s'appelle Travail communautaire tout de suite. C'est blague de Del Walid sur Move, tout let's go. RDV au top, je te fais la bise, mon refrain, je monte. À tout à l'heure. Avec le cœur, on fait des belles chansons. Avec des si, on refait le monde. pouvais retourner dans le passé, j'irais mettre une claque. Me reste un arrière-goût d'amer, tu me toi-même, tu me capes. Allo Walid AK, jeune beurre, fonce des sous pastaga, roule hashtaga. Le poteau loops, pull up à la maison. Piu, je brûle tout en une mesure, c'est même pas la peine d'appeler les pompiers. AK, je compte plier bagages, aller à Alger. Mais là, j'ai pas de pied, pas de talle pour le trajet. Tu pas en train de roupiller, là, je taffe. Toujours, et ceux qui me connaissent, ils savent très bien. D'accord, pour que je quadruple mes quotas comme la banque. Cache les stupes, on n'est pas dupes. On sait très bien qui conduit les Skoda blanches. Bébé Lec, j'suis au stud, j'fais une dinguerie. Texte plein de rimes, je ne vois comme le rond-point de rive. Indépendantiste, suisse, certes avec les honoraires. Les écouter plutôt mourir, j'fonce comme la Dolorean. J'avoue que j'comprends pas sa remarque. Sur moi, j'dors toute la journée. Zerma, j'suis Salman. J'rappe à la gloire du bon rap, j'fais un taf communautaire. Faut que j'maille communautaire, smoke fly communautaire. Aïe aïe aïe, El Walid, travail communautaire sur Move, let's go. Moins de 10K. Moins de 10K, jusqu'à 21h. Oui, tout à fait. Moins de 10K jusqu'à 21h, émission en compagnie de Salif et Farah comme d'habitude. Yanis de la chaîne Le Rap en Mieux avec nous pour pouvoir cuisiner El Walid qui nous a fait un live juste pour nous tout à l'heure. C'était le morceau Coty et Canette. Là, on parlait de l'album. On vient d'écouter du coup un morceau que t'as balancé comme ça. Là, il y a deux mois, il y a un mois, un truc comme ça. Ouais, novembre. Ouais, il y a deux mois. Novembre. Ouais. C'est quoi, du coup, j'ai envie de savoir un peu, du coup, ton mindset. Parce que t'es arrivé dans la musique avec ce truc hyper abouti. On dirait que t'es à ta forme finale, quoi. Tu vois, non, non, non, non. Mais je vous dites tout ça, les artistes. Non, mais gros. Non, il mais a détesté. Bah ouais, Romain, je l'ai détesté chaque seconde de la phrase. Imagine là maintenant, je suis non, mais je le sais, mais je veux dire que. Il est fou, lui, quoi. Il a que, raison. Hein. On dirait pas que c'est ton premier projet, tu vois. C'est pas du tout amateur. Non, ouais. c'est un premier projet, tu connais, officiel, en mode rebrand. Oui. Avant, je rappelle. T'as supprimé. Bah oui. On sait. Il y a des trucs SoundCloud un peu. Il y a des trucs YouTube, sur YouTube. Ah, donc plus accessible. Avec un autre blaze que je vais pas remettre. Complètement différent. C'était quoi alors? J'en ai curieux. Prémisse, je pense. Ok. Donc il y avait un peu déjà. Ouais, j'imagine. Ensuite, bah, moins d'assurance, moins de style, moins de tout, quoi. Ok. mais les prémisses quand même, tu vois. Importante. Ouais, de ouf. Parce que je suis curieux là, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, parce qu'il y a le dernier morceau du projet où tu pousses un peu plus la voix, tu pousses un peu plus les mélodies. La Est-ce que c'était ça que tu faisais plus de ça avant ou c'est nouveau ça? Non, ça, je pense, j'ai plus ou moins toujours fait, entre guillemets. Enfin, en tout cas, tu vois, quand je... Parce que là, dans le projet, il n'y a quasiment pas... Enfin, juste une ouais, ouais, tarte y a la très gueule. Peu, ouais, ouais. Il y a très peu pas, de chants. T'as pas envie de chanter pour nous, quoi. Il y a un soleil en lui, mais il n'y a pas de... Moi, j'ai mis une mention spéciale à l'outro, ce qui est... Ouais, bah, je parlais de ça. Ah, pardon. Ouais. T'es pas là, toi. Attends, tu sais quoi? Le soleil en moi, c'est éteint. Et encore, je suis gentil, j'aurais aimé te laisser continuer pour voir ce que t'aurais dit. T'as dit parce que dans l'outro, en fait, il chante. Ça chante, ouais. Moi, 10K. Non, mais au moins, on est connecté. On est connecté, on est toujours dans cette. Il revient trop en arrière. On est dans cette shit, Anis. Il vient de faire une bonne vanne, il a dit que tu faisais les bacs de moins de 10K. C'est trop drôle. C'est hyper drôle. Non, mais on est connecté. Du coup, je te laisse reprendre, Yanis, parce qu'on était en train de parler du côté mélodieux. Et je lui demandais si ça faisait partie de sa musique avant. Et apparemment, c'était même plus le cas, du coup, dans ce que t'as testé avant. En tout cas, ça a existé clairement du moment que j'ai eu, carte son, micro, j'ai accès à Autotune, tu vois. Ouais, donc, ouais. Déjà, c'est un autre monde. T'étais en plus dans le Covid et tout. Donc, t'avais envie de tester des trucs. Ouais, bien sûr. Et j'avais toute la place. Ouais. Donc, non, ça, je pense, ça m'accompagne. Maintenant, le truc qui me fait quand même le plus vibrer, je pense, c'est le fait de rapper. Tu vois, il y a un truc physique quand je rappe, tu vois, j'apprécie vraiment. Et puis ensuite, sur la suite des morceaux, je vais voir un peu comment pouvoir ramener le chant. Bah, c'est aussi un truc qui me fait kiffer, tu vois, que je fais encore maintenant, que je mets moins en avant. Mais voilà, voir comment un peu je peux l'amener de manière intelligente, tu vois ce que je veux dire, pour faire des bons morceaux. Bah, tu vois, tu me tends la perche, parce que dans le morceau Voyage 999, tu dis un frérot me fait bouffer du Mob Deep et l'autre du George Michael. Ouais. Y a donc un éclectisme dans ta musique qui est certaine, en fait. Toi, quand tu grandis, t'évolues avec quels morceaux, quels sons, quels artistes te choquent, te chopent Écoute, je pense que... Premier souvenir, c'est quand j'étais à l'école primaire avec Vanou, c'est un poteau à moi, et on se bouffait. Je crois que c'est lui qui me fait découvrir Section d'Assaut. Okay. Et je suis à fond Section d'Assaut. Ah, c'est ouf. Pendant vraiment un moment. T'sais, en plus, c'est le moment où j'étais enfant, j'avais, je sais pas comment dire, Rétrospectivement, j'ai l'impression que j'avais pas encore développé des goûts. Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est normal, tout machin. Ouais. Mais par contre, je vibrais pour ça. Je m'achetais les casquettes Watibé. Gros passionné. T'es bête ou quoi? Est-ce que ça correspond à l'époque où ils étaient au top ou tu te les prends après? Je me prends. Je crois que c'est. Est-ce que l'album avant l'apogée? T'étais dans. Ils étaient au top. Quoi. J'étais au moment. Ouais. J'étais au moment. Parce que si tu mets une casquette Watibé 3 ans après, c'est. C'est plus fashion. Là, c'est presque. C'est un fashion faux pas. C'est dur à vivre. Ouais, je dis pas que j'étais stylé. Hein. mais il y a un fashion en moi. Mais du coup, il y a ce truc où, du coup, là, tes goûts commencent un peu à se réveiller. Là, il y a ce truc de. En tout cas, je suis piqué pour le rap. Je me dis, c'est putain de stylé. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un truc percussif. Tu vois ce que je veux dire? En opposition entre guillemets à la chanson, donc plus mélodique, il y a un truc percussif, il y a un, je sais pas, j'ai kiffé juste, ça m'a piqué un peu. Ouais. Et après dans ton process créatif et tout, est-ce que il y a des artistes où t'as l'impression de sans t'en rendre compte t'inspirer, te dire putain mais j'ai grandi avec ça, j'ai ouais clairement. Bah alors ça c'est ensuite les artistes que j'ai écoutés à partir de quand j'ai commencé à faire du rap. Déjà, je pense en premier truc, c'était vraiment mes potos. Je pense que je m'inspirais vraiment de mes potos. Quand il y en avait un qui avait un couplet qui était meilleur que le mien, je reprends un peu. Ça fait tourner les techniques et tout, tu vois. Sinon, en vrai, c'est quoi, même au-delà d'artiste, je vais dire grunt. Ouais. Je crois que c'est vraiment, moi, je me suis éduqué au rap avec les grunts. Ouais. Tu les attendais, tu. Ouais, de ouf. Le premier grunt que je me suis pris, c'était le Zamdan. Donc le premier, le 34. Et je suis là, putain, c'est presque un peu moi et mes potes, mais là, c'est un autre. Et tu vois, le contexte, le truc, les gars, ils sont chauds de ouf. Et je me prends le truc, et à partir de là, vraiment, ça m'a pas lâché, genre. Mais c'est fou, parce qu'on sent. C'est un truc que j'avais remarqué assez tôt chez toi, c'était. On sent le côté très. Rappeur studio, on parlait du côté mélo sur l'outro et tout, et en même temps, on sent que t'as un truc un peu technique, mais avec humilité. Je sais pas trop comment préciser ça, mais tu sais, il y a un truc où finalement. Quand t'écoutes bien le projet, il a des rimes hyper élégantes, il a des placements hyper élégants, mais c'est jamais vulgaire. Dans le sens, c'est jamais. Tu vois, il fait jamais des multi comme ça, machin. Oui, et en fait, même là, en réécoutant Coty et Canet, tu te dis, ah, c'est drôle, les placements, ils sont vraiment. Il y a un truc un peu chirurgical, mais subtil, quoi. Ouais. Et puis même dans les textes, t'es pas en train de. C'est de l'ego trip raffiné. C'est tu fais pas que te jeter des fleurs. Comme tu te livres un petit peu et que tu montres un peu de toi-même, c'est ça qui donne ce sentiment-là. Ou en fait, t'as l'impression qu'il y a un peu un truc assez binaire où, genre, les gars de l'ego trip, c'est que ça. C'est-à-dire, ils vont pas trop s'ouvrir et tout. Et les autres, maintenant aussi, t'as des gars, c'est que l'ouverture. Je vais pas bien. Et tout. C'est vrai. C'est vrai que t'as ce juste milieu où tu pleures pas. Non, mais c'est vrai. Je t'en prie. Ok, bah dans ces phases, du coup, moi il y en a une qui m'a grave percuté encore une fois, mais c'est pour ça que dans ton écriture, je la trouve très subtile. Quand tu dis mentalité nique un steak de Kobe, on va rendre ce plat de pâtes plus délicieux, mais ça veut ça, c'est exactement c'est vrai, ce que vrai, tu ouais. dis. Tu ouais, vois. Ouais, c'est élégant en fait. C'est mais élégant de ouf. C'est vrai que en plus je trouve que ça manque, on en parle je pense souvent, on sera tous d'accord pour dire que ça, des fois ça manque de face dans le rap. C'est toujours ça peut toujours être un peu ringard d'arriver avec des trucs hyper bien écrits et tout machin, et c'est très dur. Je trouve que lui il le fait en pas, je sais pas, en le modernisant pas forcément, mais avec un truc élégant, et on peut s'amuser longtemps à distiller comme ça les phases. Il y a plein de phases que je trouve folles, quoi. Quand il dit nique un keuf. Ouais. Déjà celle-là, elle est folle. Elle est plus longue, peut-être on va la citer pour les gens qui nous écoutent. Vas-y, Zino Farah. Nique un keuf qui abuse de son pouvoir, nique un keuf qui dit qu'il nique un keuf pour être à la mode. Ouais. Et donc et c'est le du coup il y a la phase qui est folle, et il y a la rime qui est la littération c'est qui est genre, ça marche trop bien. Puis encore une fois, c'est pas plus ou même quand il dit je le ferai si Dieu le veut, et s'il le veut pas, je le ferai quand même. Moi, c'est ma petite phase. Bon, mettra pas d'accord tout le monde, mais moi perso, c'est ma petite phase qui m'a vraiment fait kiffer. Et je suis en mode, c'est quand même assez original de sortir des phases comme ça. C'est vite marquant, quoi. T'aimes bien le Walid qu'on parle de toi comme si t'étais pas là. J'aime bien. Ouais, moi, je suis mieux, mec. Je suis comme ça. Je regarde. Mais, on continue. Mais je voulais juste dire qu'il y a un truc avec ce genre de phase. Je sais pas si ça vous a fait ça dans votre carrière de listener aguerri, mais quand ça souvent, c'est des phases qui te marquent. La première fois que tu l'écoutes, tu te rappelles de là où tu étais. Et ça, ça vous fait ça, vous savez? Parce que là, cette phase-là, moi, je me rappelle très bien vers les champs où j'étais quand j'étais en vélo. Ah, tu vois, ils sont la vie de ma mère. C'est un truc de ouf. Mais elle est percutante, la phase, parce que t'es en mode. Souvent, les gens, ils faisaient un truc très, très divin, très séduit qui donne. Je suis en mode. Ah ouais, c'est-à-dire, la détermination va au-delà du. Moi, perso, j'ai kiffé. Mais il y en a plein, plein. Et puis, c'est pareil, c'est un truc que tu redécouvres. C'est-à-dire, même à ta 40e écoute, t'es en mode. Ah, ok, j'avais pas capté cette phase et tout. C'est richissime en termes d'écriture. Allez, faut que j'en dise une, moi aussi. allez, top 3. Chacun fait son top 3. Non, mais vous avez cité des que je kiffe là. Mais moi, il y a une phase, mais c'est pas un truc de fou. Mais tu dis juste qu'en soirée, t'es pas très sociable et tu développes des techniques pour vesquer les gens, tu vois. Ouais. Mais j'ai envie que tu développes là. Donne-moi un exemple. Moi, j'aime savoir comment on peut vesquer les gens. C'est quoi tes techniques? Moi, il y a une technique là récemment que j'ai développée. C'est tu me poses la question. J'ai mon couvre-chef, tu vois, en plus il fait froid, j'ai mon couvre-chef, et si je le mets un peu plus bas, si, tu vois, ça me fait un lazy eye. Je m'en mets dans le bus, place à 4, il n'y a personne qui se met à côté de moi. Il n'y a personne. Okay. Et puis bon, c'est vrai que c'est terrifiant. Et puis il y a aussi les classiques, hey, salut, ça va? Oui, il n'y a pas de et toi. Non, mais après, c'est des trucs. C'est bon, je fais un thread. Ça, c'est dur à placer quand même. T'es sévère. C'est le coach, c'est bonsoir. Non, mais après, j'ai pas envie de faire le. Tu vois, je reste respectueux. Et si quelqu'un vient me parler, qu'il est simple. Mais en effet, ouais, je suis pas trop. Je suis plutôt bien à la maison avec Charlotte et puis en étant tranquille, quoi. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je présente quelqu'un d'autre. C'est un truc de bâtard. Ah ouais. C'est-à-dire, délègues. Ouais, je suis dans une discussion avec quelqu'un et je dis ok, dinguerie. Et tu connais Ludovic? C'est un truc de collabo, ça. Quand de fou. Et quand Ludovic, il a mis quelqu'un dans la merde. Quand le Ludo il arrive, il se dit ah, Nice, il a envie de me présenter quelqu'un, donc ça vaut le coup. Et je dis putain, Ludo, tu connais pas un tel. Et tu disparais. Et juste deux secondes, dis, mais non, toi, tu connais qui ici? Et là. Quand il commence à se parler, tu te bats. Alors, mais c'est un timing. Hein. Si tu le fais trop tôt, c'est genre en mode, mais pourquoi tu me laisses avec le. Tu restes un petit peu au début quand ils ont lancé la conversation. Le temps que l'avion est bien décollé, là, tu te bats. Tu devrais faire un livre sur être un connard. C'est pour ça, ça m'a trop parlé. Il y aurait 18 chapitres. Bio connard. Mais moi, je suis pas associable de fou. Donc, je sais. Il faut penser aux gens comme nous. On a envie de se vesquer. C'est pas parce qu'on est méchant. C'est non, parce c'est pas le moment. C'est pas notre spécialité. On préfère être à la maison. Okay. À la marge. On dirait, je vais aller chez lui. On était mieux chez la maison. Allez, on continue d'écouter de la musique pour illustrer tout ce qu'on dit. On va écouter l'un des morceaux que j'ai découvert en premier, donc qui m'a mis une claque. C'est le morceau Gueule de loup. Gueule du loup et Rhum Brun tout de suite sur Move. Let's go. Dès le début de la prod, tu sautes dans la gueule du loup. On te fera signe quand sera l'heure de l'ouvrir. Pour l'instant, étudie-moi comme une œuvre du Louvre. Beaucoup de vertu, j'espère prôner la bonne. Merde, j'y crois que la bombe. Le goût du vice glisse comme le gibran que j'élabore. Je revois mon poteau Lesca vers le CMU. On s'allume un pétard, il me dit qu'avec le niveau que j'ai, y'a aucune raison pour moi de raser les murs. Chaque crime peut remplacer les mules. Laisse guêler. On avance à la vitesse de croisière. Jackpot 3-7, alcool 3-7. Gros quand tu pleuras dans ma bulle, y'a 3-7. Le couplet est couplé tête. Ils veulent faire comme moi, ils sont là à mes pieds. Comme ma nouvelle paire d'Adidas. Si, là c'est le jeune El Welid qui voit que l'état du monde empire. De plus en plus de vampires. Qui font une offre au jeune prince, mais lui il préfère boire le rhum brun. Ma bébé, ma belle, elle a le plan qui mène au trésor. Au pire, ça fait une belle expérience. Au mieux, on repart avec Belek. Si t'écoutes attentivement, tu prends feu. Tu paieras tes flammes multicolores. Tu viens mettre ta musique aux normes. Flo qui rend jaloux les usines Call of. Paris Dakar dans une Alpha Spider. Papa connaît l'odeur de l'asphalte, mais pas que le sable, les bagages pour aller dans un pays neutre. Là, il a bien le seum. Avec la belle Rookin qui navigue le bateau, elle fait la pluie et le bon temps. Nouveau monde, la compare pas à celle qui fait qu'agiter son bâton. Tous ceux qui me connaissent me voient comme le roi des rat-pi. Je ressors du studio comme Kanye West. Je crie Alléluia, El Welid fait de la magie comme une Halliwell. J'ai un train d'avance, la femme que j'aime a le triple. Le fond et le schéma dream. Je peux te citer que le DZ qui a mis un coup de boule. Maman connaît tous les joueurs de chez Madrid. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. Y'a un soleil en toi, oublie pas. El Walid, gueule du loup, Rhum Brun sur Move. Let's go. Moins de 10K avec Anis. Moins de 10K, on arrive bientôt à la fin de l'émission, ça passe non. vite. Oh non. Et non, non, on va profiter encore d'El Walid, le temps qu'on est avec lui. D'ailleurs, j'ai une question qui est purement de la curiosité, parce que moi, en écoutant le projet, je me suis dit, ah, il y a des Algériens en Suisse. Du coup, j'ai envie de savoir, quelle est la place de la communauté de mes cousins? Vous êtes combien en Suisse là pour savoir combien, chez je qui je peux aller squatter? Là, on est bien en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup de mélange. Bien sûr. On est algérien en Suisse, on est bien. Et puis au pire, moi, j'habite à côté de la frontière Gaillard-Annemasse. Ouais. Ça va. Tu vois, sinon, je les retrouve c'est à côté. Chez moi, ça. Mais oui, voilà, toi, t'es dans ce coin-là. Ouais, je suis allé il y a pas longtemps. Ah, ok. C'est pour ça, ils sont proches de la Suisse, Yanis. Il y en a qui te pensent suisse, je pense, du coup, tellement. Beaucoup, tellement t'as ce flair. Ouais. Mais en fait, tu sens l'air de Suisse. Je sens l'air de Suisse. Ça arrive jusqu'à chez toi. C'est ça. Mais du coup, en Suisse, c'est pas vraiment des diasporas de communautés, c'est juste hyper mélangé. Et... Oui, c'est ultra mélangé. Et puis même, on va dire, comment tu dis, socialement, enfin, où t'es, la disposition des, par exemple, des apparts, dans tous les quartiers, il y a un certain nombre d'apparts HLM, tu vois. Okay. Enfin, et c'est mélangé, en fait. Et c'est très, très mélangé. Mais moi j'ai une théorie vraiment sortie de ma tête sur la Suisse. Ouais, maintenant, j'ai lu aucun livre là-dessus. J'improvise. Non, c'est le côté. Déjà, il y a une immigration qui n'est pas la même qu'en France, qui est déjà plus éduquée au sens de diplôme. Du fait du statut de la Suisse, bien premièrement, sûr. Et du fait du niveau de vie de la Suisse. Ce qui fait qu'en fait, en Suisse, il y a beaucoup de gens d'étudiants ou de personnes qui ont l'asile politique. Il y a l'ONU à Genève. Il y a beaucoup de gens d'Érythrée, par exemple. Soit Mayoro d'ailleurs qui est toujours aussi. Enfin voilà, c'est pas tout à fait la même masse d'immigration qu'en France. Et c'est une autre catégorie, on va dire, socio-professionnelle aussi. C'est tout. Voilà. C'est plein de mots. Ma théorie. C'est plein de mots. C'est plein de mots pour dire qu'ils ont des meilleurs immigrés. C'est ça. Waouh, je n'osais tellement pas dire ça, mais oui. Moi, je le dis. Tout ce détour. T'es problématique. Je sais pas. Moi, je viens pas souvent. Je sais pas ce qu'on peut dire ou pas. Ils ont tout dire. Ok. Ils ont recruté des capitaines d'Yanis. Tu veux dire que c'est la chienté et que je suis amoureux d'Ademo. Voilà. Tu veux dire qu'ils ont. Dis-le. Ils ont des meilleurs arabes. C'est ça que tu voulais dire. Ici, c'est la chienté. Ouais, mais putain, on est chez Das Das ici. On va faire un classement des meilleurs arabes dans le monde. France dernier, Belgique 2, Suisse 1, normal. Alors putain, je veux bien participer. Ah là t'es motivé. T'es pas du FC. Moi j'ai des trucs à dire. On se marre chez vous, on se marre. Alors bien sûr, on s'égare avec plaisir. C'est aussi ça l'avantage. Le top est tellement facile. Du direct. Et moi faut pas me chercher. Ouais. Ah bah ça. Si vous me donnez l'occasion. On t'a appelé chauffer mon corps quand même. Hein. Là les gens ne voient pas, mais le Walid a tellement ri qu'il a. La crache. Ouais, j'ai vraiment. Il doit nettoyer là. C'est pas bien. Ça avait besoin d'un peu de dépoussière. De toute façon, t'avais craché le feu tout à l'heure. Tu le feu. Voilà. On est trop connectés. Mec, mais enfin... Il n'y a qu'une lettre qui ne nous sépare. Non, on est trop bien. Deux lettres. Mettez la barbe dégradée, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y avait 150 vannes à faire, on a fait la même. Mais mettez-vous en couple, s'il vous plaît. Moi, je suis chaud. Je pense que vous seriez le couple de l'année. Non, mais d'ailleurs, Yanis, il y a deux S. Hein. Ouais. Donc, c'est pas qu'une lettre qui nous sépare. Comment ça se fait? C'est deux. Je peux pas le dire à la radio. Non, je plaisante. Ça dure un peu limite. Bah, je m'excuse auprès de tes darons, alors. J'ai d'autres vannes sur ça, mais on va se calmer. Est-ce qu'on peut faire un jeu, s'il vous plaît? Non, je vais pas faire un jeu. On est bientôt à la fin et j'ai envie de profiter d'El Walid. Tu vois, tellement ils kiffent, ils prennent la confiance. Ils se disent. Non, c'est son moment. Ouais. Juste pour finir, j'aimerais discuter un peu du futur. On a mais beaucoup pourquoi parlé. Faire bah, J'ai envie de savoir ce qu'il va faire. Parce que là, tout à l'heure, on a écouté le morceau Travail communautaire sur ton YouTube. On sait qu'il y a un autre YouTube avec d'autres informations. Mais sur ton YouTube, c'est la seule vidéo, c'est le seul clip. Mm-hmm. Bon, on sait aussi l'économie du clip, ce que ça veut dire aussi aujourd'hui. Mais quel est le futur pour toi? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que tu es déjà sur un autre projet? Est-ce que tu veux balancer des one-shots comme ça plutôt dans l'année? Moi je suis plutôt un gars projet. Ouais, moi j'avais capté ça. que single. Ouais. Travail communautaire va être rattaché au projet. Ok. Du coup. Ouais. Et puis ça arrive. Ouais, il faut juste que je rentre à la maison, je termine les tracks et puis je les envoie. Quoi. Ok. C'est facile pour lui. Ouais. Mais ça, c'est aussi simple de faire. Faut juste j'appuie sur du coup, on se dit en février du coup. Yanis, tu as une question. Inch'Allah fin février, ouais. Inch'Allah. Oh, déjà, je rigole. Ah oui. Non, bah, ça va, dis trop. Ça va. Ma main. Moi, j'avais une question. C'est alors quand moi j'écoute ton projet et que je vois le nombre d'auditeurs que t'as. Alors, on va pas faire un focus que sur les stats, mais je vois le nombre d'auditeurs que t'as et les streams que ça fait. Je me dis, il y a quand même un écart énorme entre le niveau du gars et ce que ça génère comme stream. Et moi, je me suis toujours demandé, en tant qu'artiste, qu'est-ce que quand tu sors le projet et que tu vois que ça a pas un écho tout de suite, j'espère que ça va l'être pour cette année. Est-ce que t'as un truc de bon, j'ai fait mon truc, on attend, si ça prend pas sur celui-là, ça prend celui d'après, ou il y a un peu un truc de ah, est-ce que j'ai mal fait quelque chose ou est-ce que c'est le public qui comprend pas, enfin, est-ce que en tout cas ce projet-là, est-ce que t'avais vraiment beaucoup misé dessus et tout de suite au début, bah il y a pas eu le truc pour des raisons marketing ou autre, hein, mais non, écoute, moi j'ai misé dessus, on va dire de mon temps, tu vois, de ma tête, de mon amour, et le résultat me plaît de ouf. Donc tu vois, ma rétribution, elle est déjà là. Ouais. Donc maintenant le projet, il était sorti, il était sorti, j'étais déjà en train de faire du son, enfin, tu vois ce que je veux dire, moi en fait ce que j'aime bien c'est faire du son, okay. Et puis si j'avais envie d'avoir un big truc promo, ben j'aurais pu mettre des moyens dedans. Ouais. J'avoue que pour l'instant promo et tout, moi je suis pas. Parce que t'estimes que c'est pas encore au niveau ou parce que c'est pas. Non, moi je pense que je fais de la bonne musique, ouais. Hein, clairement, ouais. Mais c'est juste j'ai pas. En fait, tu vois, l'argent que je vais mettre dans de la promo, par exemple. Alors, ouais. Je dis pas que je vais pas le faire, hein, tu vois. Mais l'argent que je vais mettre dans la promo, ben, peut-être je préfère m'acheter un plugin pour faire un peu de mix. Tu vois, j'ai un geekos, tu vois. Si j'ai plus de sous pour faire des, ben, peut-être je vais me faire un clip. Ou je préfère privilégier mon produit et puis honnêtement, en même temps, je vais pas me plaindre, tu vois. Il y a les poteaux dictateurs du rap. Ouais, soit, tu vois, enfin des gens comme vous qui sont prêts à relayer ma musique. Je suis assez béni, tu vois, j'ai pas besoin de me casser la tête pour l'instant en tout cas, tu vois. Donc je préfère me focus, faire de la bonne musique et puis voilà. Non mais c'est bien, c'est de le souligner aussi parce que c'est vrai qu'on est dans une société forcément où les chiffres et tout ça prend une place monstre. Et nous on aime bien aussi recevoir des artistes qui sont en voie d'essayer de tout péter. Mais il y en a plein qu'on a reçus qui disent ben moi j'ai envie de kiffer ma musique, tu vois. D'abord. Et en plus il y a ceux qui disent moi j'ai envie de vivre de ma musique. Ce qui est déjà même un cran en dessous de le discours qu'on a un peu partout dans les interviews, etc. Et t'as même encore en dessous des gens qui disent « Mais moi, juste, ça m'aère la tête, ouais. Ça fait du bien, ça booste. » Et je pense que, de toute façon, je savais que t'allais dire ça. Je pense que là où t'en es dans ton process et tout, t'es déjà un peu en train de te faire du bien avec juste l'art que tu kiffes. De ouf. Et après, ouais, on va voir ce que ça fait. Ouais. Et en l'occurrence, je trouve que c'est un bon début, tu vois. Ouais, c'est parce que c'est voilà, gentil, c'est gentil. Ça a eu un écho chez Yannis, ça a eu un écho chez nous. Et je suis là, genre. Ouais, voilà. Donc, trop cool. Je veux dire que pour quelque chose qui ne rentre pas dans les cadres mainstream, nanana, c'est déjà inspirant. Enfin, je dis ça pour les gens qui nous écoutent aussi, de se dire, bah, il y a pas que forcément, tu vois, tout niquer en termes de chiffres. Il y a aussi, genre, bah, ça les fait écho concrets, chez quelqu'un qui à la va, radio, tu vas rencontrer quelqu'un, il va parler avec toi. Ouais. Ça se trouve, ça devient ce gars juste ton cadreur sur les clips, mais c'est déjà ouais. un truc de fou. Ouais, tu sais, on minimise ça, quoi. De genre, malade, de malade. Bah, en un an, j'ai juste rencontré deux mecs qui sont méga sûrs, mais c'est un truc de fou. Ouais, genre, t'as des bases, c'est déjà un truc de dingue, tu vois. Donc nous, on est à fond dans ça, on valorise ça. On va suivre à fond tout ce que tu vas sortir, El Walid. C'était un plaisir de t'avoir. Grosse voilà. force. Plaisir, ouais. Allez streamer le projet. Allez, ouais, allez streamer quand même. Et rester. Comme un bras. Ouais, quand vois. Même, on fait de la promo. À un moment, c'est un artiste. Elle ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, est sous. Ouais, c'est ça que vous avez entendu. Quand même. Non, mais n'hésitez pas. Voilà. Et puis, surtout, restez au taquet parce que le frérot est productif. Ça risque d'arriver très vite. Donc, nous aussi, on va suivre ça avec attention. Tu reviens quand tu veux. Merci. Voilà. Et tu devrais dire, vous aussi, venez en Suisse. Si t'es comme ça, tu nous invites. Associale, souviens-toi. Non, mais oui, bien sûr. C'était un plaisir de fou. On va écouter un dernier morceau. On va écouter le morceau Jeune Beurre. Ouais. Et on te dit au revoir sur ce beau morceau. Si. Jeune Beurre, tout de suite sur Move. El Walid. Let's go. Sur mon cœur, boum. Le flic glaçant sur mon cœur, sur mon queue. Je veux encore faire un classique. Ah, escalier. Jeune peur de rendre ses potos fiers. Avant de voir les portes se fermer, j'allume un tata comme si j'avais que ça à faire. Ils font du blabla, mais on passe à la ferme. Je m'efface, j'ai la flemme. De sociabiliser, je reste avec ma copine et mon papa. Mentalité nique un steak de Kobe, on va rendre plus délicieux ce plat de pâte. Apparemment, grandir c'était censé m'apaiser. Mais j'ai de la colère comme un DZ. De là, on voit bien comment resplendit la mer. Le goût de la société mercantile, amer. Je lâche un couplet, on dit amen. Tu veux aller voir le futur, bah on t'y amène. Allez, quartier de luxe ou les routes où on tire, on dit la merde, on fume, on tige. Pas autant de flou vestimentaire que rapologique. On aime le partage, on fait tourner la roue. S'il faut, on transmet à tout Genève le crack de logique. Jeune peur est venu prendre ce qui est à lui. Je vois si tu plaît, tu vas gagner ton lit. Et ça sert à rien de crier à l'aide, car ici tout le monde a un cœur gris métallique. Là, c'est le jeune El Walid, me voilà. H24, ça fait 3 ans que je me vois à l'art. J'ai appris à tout faire moi-même, fils cadet d'aide analyste. J'anticipe, je vois large. Je conviens. Aussi riche que mes onces, aussi riche que mes placements, aussi riche que mes rimes. Super riche, écriture trop chère. Recharge ton fusil avec n'importe quelle rime du projet. Rien que ça effrite le poison et mes doigts à col. Maîtrise la découpe comme un Miyamoto ou un Qui-Gon Jinn. Je suis le meilleur espoir comme Gohan Goss. Chaque oreille attentive devient Jeanne d'Arc. Je suis l'antagoniste de mon œuvre, on se fait marre la gueule. Technique ancestrale du loup, j'ai un flashback. Je suis avec mon ami Leska. Ce qu'il a fait des tours, ça m'a mis l'escale. Ça vaut quoi une seule destination face à mille escales. Faut que je me mette à jour, que je termine les scans. El Walid, jeune beurre sur Move. Let's go! Moins de 10K. Jusqu'à 21h avec Anis. Move. Oui, et c'est. Tu as raison, la voix. Et 21h, c'est genre now, quoi. 21h. C'est now, c'est la fin de l'émission. Mais non! Merci, Anis, d'avoir été avec nous. Merci à vous pour cette invitation. C'était toujours un plaisir de venir vous merci voir. Merci, Anis. On a bien déliré. Merci, Anis. Ah, c'est un beau moment. Vous faites un jeu de mots. Parce qu'il y a plusieurs S, ok. Ouais. C'est de moins en moins bien. Il en a marre de c'était nous. Drôle jusqu'à la dernière minute en fait. C'est la fin de je pars et je ne reviendrai plus. Non mais l'actu de Yanis, si vous voulez profiter là, c'est le dernier moment pour prendre des places pour la soirée séquence la semaine prochaine, le vendredi 24 janvier séquence. Au Petit Bain. Voilà, c'est disponible sur mon Insta. Le rap tout attaché tiré du bas en mieux. Voilà, si tout simplement. Le rap en mieux. Donc n'hésitez pas. Allez voir sa chaîne YouTube Le Rap en mieux. Allez voir ses streams. C'est allez trop voir bien. La totale. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Merci Farah, merci Salif. Merci à vous, Roxane qui a réalisé cette émission. Merci à Xavier, merci à Juliette. Merci à toute la team de Move. On se voit la semaine prochaine. C'était un plaisir. Des bisous. Ciao. Bisous. Ciao. Et allez streamer. Salut, c'est Bintili, on se retrouve pour Passion Discrète demain à 12h45 sur Move. Chaque semaine, on en apprend plus sur la deuxième passion de mon invité. On sera avec la chanteuse Maïra qui nous parlera de... Ma passion pour la photo, parce que c'est vrai que même si le grand public ne le sait pas forcément, ça nourrit beaucoup mon art au quotidien et je suis très fière de pouvoir vous montrer un petit peu mes clichés. Passion Discrète, c'est à retrouver en réécoute sur l'appli Radio France et sur move.fr et c'est tous les samedis et dimanches à 12h45 sur Move. Move. Vous êtes connecté sur Move. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qui l'éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne sens pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qui l'éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolis, baby, aimerait sa bille. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à la belle. Ensuite, telle une recrue. Ils m'ont pris même si j'aime encore moins la police. Sexy ghetto, appelle-moi Fuki Malpoli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon chou à la barre, elle n'est jamais ramollie. j'aimerais sa bite. Billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, joule, maille à la belle. Non, plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Je l'ai dé, je l'ai baisse. Le client il fait une OD. L-A-M-A-N-O-Z-E. L-A-M-A-N-O-Z-E. Dis moi ton poteau, je suis là pour la M-O-U-L-A. Dois finir ma vie à Miami où elle est. Shoot. Et tout le stade fait la hola. Elle me voit à la TV maintenant, elle me dit hello. Elle me voit à la télé maintenant, elle me dit hello. Je vais devoir aller la baiser au télo. Je vais devoir baiser sans connaître son prénom. Je vais devoir aller là, aller là. Big up à ceux qui la vole. Cocaïna ou la vole. Réelle vie, pourquoi ton gars il l'a inventé? LTM si t'étais pas là avant. Ok. Ils veulent que je reprenne les bails, ok. Ils veulent que je reprenne les bails, ok. J'aurais dit que je fais pas une grande op. Ok. Paralyse Bédo, calme, ok. Te paralyse avec une balle, ok. J'aurais dit que. J'suis pas ton ami, j'suis là pour la moula, toi tu veux me faire laquelle? J'suis pas ton ami, j'suis là pour la moula, toi tu veux me faire laquelle? J'suis pas ton ami, j'suis là pour la moula, toi tu veux me faire laquelle? J'suis pas ton ami, j'suis là pour la moula. J't'avais dit que j'étais capoté. Raté, ils voulaient carotter. Devant le gun, fais du karaoké. C'est qu'on a pas la même vie. Qu'on n'a pas le même vécu. Et choqué de me voir marcher serein en ville. À la base, c'est nous, on se faisait ta sécu. J'arrive en moto, en mauvais, en méchant. T'étonnes pas de me voir des fois éméché. Parano, je sais que les jaloux mes gens. Parano, m'invite pas à manger le michu. Jamais au cave ou devant la juge innocent comme le petit Nicolas. Linda, maintenant elle retourne son collant. Hop, maintenant il demande une collab. Ok. Ils veulent que je reprenne les bails, ok. Ils veulent que je reprenne les bails, ok. J'aurais dit que je ferais pas une grande op. Ok. Paralyse Bédo, calme, ok. J'te paralyse avec une balle, ok. J'aurais dit. Comme Jeff Bezos, j'suis le gardien des clés de la ville. J'l'endors avec un mot gentil. J'ai quelques impacts sur le pare-brise. J'viens partager ma misérable vie. J'crame sur un maxi scooter sans plaque. J'arrive au bled, le sol, je l'embrasse. Le mindset pour soulever des montagnes. Depuis long time, je mets les gaz. J'ai les stats de Kevin Durant. On est solide comme les frères Durant. Déroulé sur l'orage. On ramène le butin au village. Moi qui t'ai abandonné, derrière le temps j'cavale. Laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour l'étage, je suis l'étale et t'as pas. l'étale, étape par étape. Mais l'état veut me voir éteindre. Je n'étale sans t'embarrer. Bébé, serre-moi. Jusqu'à rester en glace. Fais le taf, moi je reste assis. Pour le rêve, j'ai de la compassion. Je passe en dur, il passe encore d'assis. C'est mon fer qui m'assure, c'est pas la masse. Bébé, fais le taf, moi je reste assis. Suspends les guides, promets ta sinon. Et je promène ta soeur comme mon chien. Pendant tu dis Christ au bout de ma chaîne. On va brasser, allume les machines. On s'est promis qu'on finirait jamais en chien. C'est malheureux, mais c'est réel. Mon mal a fait le bonheur des gens. J'avance avec plein de bâtons dans les jambes. On assume, on se bagarre, tu connais déjà. Moi qui t'ai tant donné. Derrière le temps, j'cavalais. Je laisse des gens derrière moi. J'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour l'étal. Je fais l'étal, étape par étape. Mais l'étal veut me voir m'éteindre. Je fais des tales sans t'endre. Moi qui t'ai tant donné. Derrière le temps, j'cavalais. Je laisse des gens derrière moi. J'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour l'étal. Je fais des tales, étape par étape. Mais l'étal veut me voir éteindre. Je fais des tales sans t'endre. Faire aller sous potion. Je te chante mon pour la caution. Et les types, faites attention. Je fais pas le con pour attirer votre attention. J'emmène madame danser. Je la détends, ça fait diminuer sa tension. J'étais ce que mes attachants. Mais les temps changent, mais les temps changent. Mais les temps changent. J'ai pas changé pour des tales. Je fais des tales, étape par étape. Mais l'état veut me voir éteindre. Je fais des tales sans temps barré. Move. Yeah. Nouveau bec, je dois peser un pack. Je galère pas à poser un 16. Tu veux proof, vas-y, essaye. Hey, parle de sous, j'ai pas si les mecs. Parle de sous, je suis passé, je fly. Je parle beaucoup, faut casser une fight. T'inquiète, bitch, elle a pas fait squat. Je suis dans GMV, tu vois passer quoi. J'ai même pas tapé de million de vues, mais c'est pas d'arbre, gratter mon buzz. Ici on sait c'est une biche, yo. Non, non, crois pas, c'est un tag. Tu fais pas un, je vais pas te passer mon plat. J'ai perdu du nébile et j'ai pas fait mon deuil. On avance en limite, le passé on fight. Non, je vais pas te laisser consommer ces drugs. Non, c'est le mili qui fait sur mon chèque. Et j'en finirai pas trop sur mon bec. J'garde le bon feeling pour pas changer. J'sais pas si c'est fini, j'sais pas si on break. C'est le mili qui fait sur mon chèque, yo. Y'avait rien, mais j'ai fait avec. Tu fais crimer par un Drake, oh yeah. J'ai la Marie-Jean, c'est la frappe à Batista. J'suis dans le tapis, ça. Boy, il est streamé, tu crois qu'il stade. J'ai qu'il est bleu, mais c'est quoi ce qui se passe. Pas quand tu vois que mon délire chine. Lui, t'es pas pendant le célibat. J'baisse mon froc que dans les pretty gals. Moi, j'ai plus confiance en ce boy. Parce qu'il appelle que quand il est en I. Elle veut que je rentre dans sa gorge. Je lui réponds que je le fais si j'ai envie. Hier, yeah, j'calcule pas le temps que je m'accorde. En vrai, j'me dis que je le ferai si j'suis en vie. Les derniers qui ont mis les pieds dans les trenches ont fini unis, j'en bise. Milly qui fait sur mon chèque. Et je finirai pas trop sur mon bec. J'garde le bon feeling pour pas changer. J'sais pas si c'est fini, j'sais pas si on break. C'est le Milly qui fait sur mon chèque, yeah. Y'avait rien mais j'ai fait avec. Tu fais crimer par un Drake, oh yeah. C'est le Milly qui fait sur mon chèque. Et je finirai pas trop sur mon bec. J'garde le bon feeling pour pas changer. J'sais pas si c'est fini, j'sais pas si on break. C'est le Milly qui fait sur mon chèque, yeah. Y'avait rien mais j'ai fait avec. Tu fais crimer par un Drake, oh yeah. J'ai même pas tapé le million vu. Mais c'est pas d'arbre, gratter mon buzz. Ici on sait c'est une biche, yo. Non, non, crois pas, c'est un type. Tu fais pas un, je vais pas te passer mon plat. J'ai perdu du nébile et j'ai pas fait mon deuil. On avance en limite, le passé on fight. Non, je vais pas te laisser consommer ces drugs, non. L'histoire c'est maintenant, c'est pas avant. R&B Fever, Toto. Pour le studio, appel, Barini DJ Corse, qui me donne ta fée ou machine n'importe comment. T'as capté, t'es content, c'est le captain. Sirif le rein, t'es qui m'embappé. Wahaboui, tout casse, fidi de merde, ta fée, mauvais comportement. T'as capté, c'est de l'arc d'or ou status. Casquette Louis VVS, Rosta comme le VIS. J'm'en fous ton AVIS, connu aucun rennes, est-ce que j'VIS. Yalla baby, check that ass, n'a t'y haja ma grande TIS. Yalla baby, check that ass, n'a t'y haja ma grande TIS. Casse ta marée ton fleet, on joue en jaji, l'ouvrir de la frappe. Oh, what's the cap is tag? Hey, what's the cap is tag? On parle à cap is tag. à toute heure ça ratata. Ça te fait danser la bachata. Elle a un gros pétard, ton petit sentimental. J'ai perdu la raison, le chemin de la maison. Qu'ils aillent tous se faire voir, c'est des amis d'un soir. Je veux pas s'en dire au revoir, aucune terminaison. Ça fait longtemps que je suis plus dans le bloc. Et la galerie c'est la mienne, c'est pas une loque. J'porte ta barbe à la James Harden. J'avais pas un mais j'ai toujours eu le look. Elles veulent toutes faire pesos, pesos. Elles m'ont kiffé, je savais. Ou peut-être que c'est mes pesos. Reste le corps pour tout savoir. On gère les conflits, la conversation est intraçable. Te prends pas la carte ça. Hey, on se regarde ça. Ne prends pas la carte ça. On se regarde ça. Ne prends pas la carte ça. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde nous on brasse encore. Le jour de paix, je suis avec mon gang. On fume de l'herbe, je suis avec mon gang. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde nous on brasse encore. Le jour de paix, je suis avec mon gang. On fume de l'herbe, je suis avec mon gang. Les ados veulent cogner les gravons. J'ai pas très quitté la partie. Dégage. Ara, Kiri, Koumine, comme à Tokyo. Mon cœur arrangé comme un Ferrero. Ma cougar me chante de Yakalino. Dès que ma mère que je ferme ma gueule. Devant mon père que je baisse les yeux. Tu sens la rue dans mon route d'accueil. C'était dans le crime, go fais-nous la piste. Fini les bêtises, y'a trop de bêtises qui veulent mon bonbon. La sucette. Avant elle tombée, depuis que j'ai le bébé, elle veut des bébés. Des marmots. Torse, bombé contre Donkey, la police me prend pour un manqué. Hey, yeah. Check de l'épaule à mon banquier, mon bigot a trop d'appels manqués. Fais la foule du cul, je l'ai coqué. Hey, gros, si c'est la hache, j'irai pister le voisin d'à côté. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde où on brasse encore. Le jour de paye, je suis avec mon gang. On fume de l'herbe, je suis avec mon gang. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde où on brasse encore. Le jour de paye, je suis avec mon gang. On fume de l'herbe, je suis avec mon gang. Tu es recherché par la police. T'es Pinocchio, je suis l'ébéniste. Mili mili dans le ménisque. J'vends des hachis, j'vends de la tease. J'm'en bats les couilles devant des disques. Tellement de salaire sur Bénis. Moi faire bise avec Chinese. On t'en mettra une dans la tête. Le lendemain, j'me bugatise. Bugatisé dans le haut de terre. Alors que partout c'est la crise. Mets-toi dans le fion, ta récession. J'ai le flot, t'as le son, t'as les sessions. T'es en face sur le ring, t'as les lésions. King partout, toutes les régions. J'suis posé dans le coupé. Y'a une choix et mon genou. Pas besoin de te faire un dessin. Gros, il m'a donné son boule. Puis la cour de récréation. Entouré de mes goons. Hardcore, j'entends une réaction. De mauvais garçons dans la foule. Swag de salaud, coup de cash, salopette, allô. J't'envoie l'hélico dans le bendo. Viens sous ces négros, Monte Carlo. Y'a Charclo, Charlot, nous c'est Charo. Y'a Charclo, Charlot, nous c'est Charo. La trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde. Regarde où on brasse encore. Le jour de paye, j'suis avec mon gang. On fume de l'herbe, j'suis avec mon gang. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde nous on brasse encore. Le jour de paye, j'suis avec mon gang. On fume de l'herbe, j'suis avec mon gang. Avec mon gang. Oh. Move. Même comme ça, à mon bébé, il m'aime comme ça. Rien qu'il m'attire, il le ressentait. Aux attaques, il ne répond pas. Non. Ils ont parlé dans la cité. Donc on a quitté la cité. Encore nous, sujet de la cité. Sauf que nous descendre. Mais ici la personne ne descendre. C'est monté, oui c'est descendu. Ouais yeah. conversation. Moi, mes bébés, ils m'aiment comme ça. Ils ont parlé dans la cité. Tant qu'on a quitté la cité. Encore nous, sujet de la cité. De toute façon, moi je t'aime, les autres ne t'aimeront pas comme ça. Maintenant que je t'ai trouvé, je mettrai cadenas. Je t'ai réveillé sans hésiter. Avant toi, j'étais abîmée. Trop parler, ça peut fatiguer. Nous, on n'est pas comme ça. Ils ne savent que nous descendre. Mais dis-leur que personne ne descendra. Moi, c'est monter, c'est descendre. Oh mon bébé, même comme ça. Je vois que maintenant c'est sensation. Moi, mes bébés, ils m'aiment comme ça. Ils ont parlé dans la cité. Donc on a quitté la cité. Encore nous, sujet de la cité. Je bâtis l'empire à la perfection que l'on aspire. Béni à pleurer le peupon en cas de pépin. Toujours pimpant, de compter mal le pain. On va le faire tout de suite, moi je ne remets rien à demain. La paresse me fout le démon. 225 pressions d'éléphant. Jamais trop d'infos au téléphone. Je t'ai donné fond comme au téléthon. J'ai entraîné mon équipe, c'est devenu un peloton. Chacun pour soi, chacun pour sa part. Dieu pour tous et ça seulement. Si t'y crois, on verra. C'est la guerre et t'as choisi ton camp. J'ai moins le temps, les années passent plus, je prends mes distances. On pourrait mais jamais on fait les stars. On ne compose que des bops. Mais ils font les myopes. Chacun pour soi, chacun pour sa part. Les sous-élastiques, j'appelle ça un tacos. Année 93 comme Vatos Locos. Y'a que des putes dont j'ai très peu d'amigos. Quelle époque le rap est rempli de bolos. Les sous-élastiques, j'appelle ça un tacos. Année 93 comme Vatos Locos. Y'a que des putes dont j'ai très peu d'amigos. Quelle époque le rap est rempli de bolos. Sauf sexe si t'as mis un costume cravate. Mais ça s'annule si tu postules rabat. J'guette un film où les bandits tirent sur la bac. Elle laisse du sang de keuf sur la plaque. Y'a toujours du thé, du te sur la table. En contact avec le frérot sur Snapchat. Ou sur la play, catch it sur ma paye. Sur Insta t'as l'air BG. Mais tu joues un rôle comme un RPG. T'es SOS, personne va l'air pêcher. Ma soeur si t'essaies de percer, fais comme Joyce. Fais ton truc, make some noise. N'hésite pas à réclamer ton dû. Je crois que je suis une star mais que Nelly. Même si je vends pas mes disques dehors. Cette année j'ai fait plus de feats que Nino. Tout ça pour zéro disque d'or. Pour avec une mentalité libérale. Les miens je les défends, je les couche comme un libéro. Dehors ça dit le que grâce à Dilero. Salama, Emi et mucho dinero. Les sous-élastiques j'appelle ça un tacos. Année 93 comme Vatos Locos. Y'a que des putes dont j'ai très peu d'amigos. Quelle époque le rap est rempli de polos. Les sous-élastiques j'appelle ça un tacos. Année 93 comme Vatos Locos. Y'a que des putes dont j'ai très peu d'amigos. Quelle époque le rap est rempli de polos. Y a encore la marijuana et l'alcool, et retetetet.

Le fric c'est chic. Yeah. Apparemment tu fais le boxal. Miguel d'aime pas en laisse ça. Si dans des jump en laisse ça. Et si mon les mots cadet ça. J'ai dit les hommes à la cuisine. Yeah. Allez là c'est pussy cooking. Yeah. J'ai dit les hommes à la cuisine. Zin zin zin. Allez là c'est pussy cooking. King king king. De Malaga. Préviens les flics. Ma mère. Y'aura pas de fuite. T'es un maco. Tu fais le box chic. Ma mère. Le fric c'est chic. Aïe. Ah, ah. Yolan jet, bad queen chat a pas vu mon respect. Nobody qui a comme test, ami ou en sexe. Bam ready good stamina avant mes star vex. Mako, Morina again, ram pam pam pam pam. Chata queen fait you run. Où les forquets sont les gars. J'ai dit les hommes à la cuisine. Yeah, allez là c'est pussy cooking. Yeah, j'ai dit les hommes à la cuisine. Zin zin zin. Allez là c'est pussy cooking. King king king. De Malaga, préviens les flics. Ma mère. Y'aura pas de fit, t'es un maco. Tu fais le book chic, bah bah ouais. Le fric c'est chic. Aïe. Ah, ah, ah, ah, ah. Aïe aïe. Ah, ah, ah. Aïe. Ah, ah, ah, ah, ah. Aïe aïe. Ah, ah, ah. Fais monter, fais descendre. Martinique tour de yol. Récupère ce qu'a applaudi. Également à dingue. Paganam, poupée dit en nana. Real wifi, pas qu'à fight over man. Fais monter, fais descendre. Martinique tour de yol. Récupère ce qu'a applaudi. Également à dingue. Les hommes à la cuisine, yeah. Allez là c'est pussy cooking, yeah. J'ai dit les hommes à la cuisine, zin zin zin. Allez là c'est pussy cooking, king king king. Que je te dis pas, mi madre te quiero. J'suis dehors quand il fait tard. J'm'en extra, pur coco. J'suis toujours près du pétard. En ce moment, c'est trop chaud. Elle veut qu'on fasse la fiesta. Je sortir un poco. Si on veut pas de papillon, espèce, nouveau pavillon, gâchette, couteau papillon, 24, la quête. Actif, envoie ton signal, drogue douce, la médicinale Hermès. J'sors la machine à vitesse. Y'a trop de choses que je te dis pas, mi madre te quiero. J'suis dehors quand il fait tard, j'm'en extra pur coco. J'suis toujours près du pétard, en ce moment c'est trop chaud. Elle veut qu'on fasse la fiesta, je sortir un poco. Elle veut qu'on fasse la fiesta, défoncé Jean Maquista. Elle veut qu'on fasse la fiesta. Mamá, si yo te quiero y no puedo dejarme. Nunca quise problema y quise alejarme. Pero estoy en la calle y el nomás que los míos se armen. Tengo muchos enemigos que quisieran a mí quitarme. Problema no pa' pensártelo y no la saqué para esconderlo. Guerras en mi cabeza que me dicen mejor perdónalo. Es que a nadie perdono porque estaba en la calle yo solo. Que a nadie perdono porque mamá es la única que lloro. Cuando estaba en baja poco me cogían teléfono. Y ahora estamos en altas y aún así yo nunca les digo no. Éramos 20 amigos, todos fugando no. Ahora ya ni confío y si confío solamente son dos. Los de la L, los de la L. Siempre sonando y parece que le duele. Chose que je te dis pas, mi madre te quiero. J'suis dehors quand il fait tard, j'm'en extra pur coco. J'suis toujours près du pétard, en ce moment c'est trop chaud. Elle veut qu'on fasse la fiesta, je sortir un poco. Elle veut qu'on fasse la fiesta, défoncé Jean Maquista. Elle veut qu'on fasse la fiesta, défoncé Jean Maquista. Elle veut qu'on fasse la fiesta. Te cojo en una fiesta. Défoncé Jean Maquista. Te llevo en autopista. Elle veut qu'on fasse la fiesta. Nadie se me de pista. Défoncé Jean Maquista. La ruta ya está lista. magnifique, magnifique, mais parfois maléfique. Passons vite. Attends que je vérifie pour voir si c'est vrai. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit Jojo, ça va bien se passer. Y'a beaucoup mieux en fait en réseaux sociaux, je vais te cadenasser. À chaque apparition, elle dégaine très impolie. Tu donnes le goût, ma pas besoin de commencer, t'es joli. Donne le go quand tu veux. Apparition, c'est comme ça qu'on la qualifie. Ça fait tomber tout le monde sous son charme. C'est pour ça que je me défie. Vous les femmes, vous qui savez. Depuis tout ce temps, l'éteint les flammes. Comme vous voulez, et c'est pour ça qu'on est distant. À chaque apparition, elle dégaine très impolie. Je donne le goût, ma pas besoin de commencer. Et cours après toi, je cours après le bonheur. Dis-moi si tu ressens pareil que moi. Tu te flingues. Move. Move. Oh, ta mère c'est ma mère, et ta soeur c'est ma soeur. Je vais t'éloigner des galères, moi je te souhaite que du bonheur. On a tout fait ensemble. Donc le premier qui fait le con, on va le réduire ensemble. Et t'inquiète pas, je gère tout. Si jamais tu finis au star, c'est nous contre eux tous. Et on n'a pas les mêmes guitares. Quand tu pleures, je pleure aussi. Poto c'est la merde, t'es bien plus qu'un ami. T'es le son de la veine. Si tu sautes, je saute aussi. Même s'ils sont sept, je reviendrai avec une arme à feu si on perd. Merde. Y'a zéro trou dans les comptes, poteau c'est carré. Si ton petit frère décolle, je lui mets deux balles dans sa bouche. Je me rappelle des potes avec lui qui passe à l'eau. Dis-moi on va où, dis-moi qui manque de respect. J'en oublie même que j'aurais pu y rester. Mais trop de stories sales, j'peux pas tout raconter. Bon, c'était la guérilla, il fallait s'armer. Dégainer les balles du barillet pour les calmer. C'est pas le parquet, il va nous séparer. Dégainer les balles du barillet pour les calmer. C'est pas le papier qui va nous séparer. J't'aime un poco, trahi par la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. T'es mon ref, ne me baisse pas. Si c'est la hesse, ne me laisse pas. J't'aime un poco, trahi par la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. T'es mon ref, ne me baisse pas. Quand le somme revient, la paix repart. Si je vise le but, je touche pas l'embarque. Quand tu me dis, faut qu'on les part. Je sais pas si ça va me plaire ou pas là-bas. C'est le Jekar qui m'a kidnappé. Tu bout ta patte à part à croire que c'est toi qui m'a fait. C'est trop noir, je fais le mec tout blanc comme le Beluga. Y'a pas si j'en doute ou pas. Les vrais demandent pas, je prends combien. Mais si j'ai loupé l'appel ou pas, j'abrège. Mais j'ai tant à raconter. Des fois, j'ai pas la pêche, même sans la pêche, pour recompter. S'il y a que toi dans le courant, maintenant tout le monde. Dis-moi comment. Dis-moi. Si je fais pleurer ma belle. Balade, petite pommade, y'a pas d'avenir, c'est dur de rester en paix. Je voulais mon beurre, pas la ressembler. Tu parles beaucoup, mais dis-moi qu'est-ce que t'as fait. Je respecte tout le monde, mais tu mérites ta fête. Quand ça n'en parlait pas, tu ne regardais pas. Là, tu veux que je sois VIP, tu sais que ça me choque même pas. Y'a trop de suiveurs en balle. Moi, je garde ma dignité. L'objectif est loin, j'ai fait si peu. Crois pas que je sais faire. Je les appelle le jour de son anniversaire, pas le jour de paye. Chaud partout, samedi, chaud, samedi, chaud. Mais j'en fais pas trop. Imagine si j'ai chaud, si j'ai chaud. J'sais même plus qui croire, mec. En face que des mon sang, que ça promet. Ça promet, ça promet. C'est en bas qu'on commence, en visant la comète, évitant les tournants. Je le vis pas comme toi, mais je sais de quoi tu parles. N'oublie pas les bosses, erreur dans le CV, ça reste. Je te vois tourner ta, je comprends plus les promesses. Je veux de l'oseille sur commande, mais je sais pas faire comment. Faut que le dehors il râle, c'est fini le voilà l'étalage. J'ai pas trop d'amis dehors, c'est déjà compliqué dedans. Moi je suis né sans rien, mais eux sont jaloux dès le jeune âge. Je suis à 7 dans le cœur. Ils m'ont tout dégoûté. Je fuirais pas si ça part. Sans t'éviter, quand ça n'en parlait pas, tu ne regardais pas. Là, tu veux que je sois VIP, tu sais que ça me choque même pas. Y'a trop de suiveurs en balle. Moi, je garde ma dignité. L'objectif est loin, j'ai fait si peu. Crois pas que je les ai peur. Je les appelle le jour de son anniversaire, pas le jour de paye. Chaud partout, samedi, chaud. Mais j'en fais pas trop. Imagine si j'ai chaud. Si j'ai chaud. Elle aime le luxe, c'est la fête. Ton chose quand elle s'apprête. Tous les bandits veulent la shotter. Après deux, trois shots. Avec nous, elle fait la chatte. Après deux, trois shots. J'suis serein, je manie mon kata. Tu veux jouer, allons-y. Tu veux la compète, allons-y. Viens, viens, check, t'as envie. Tu m'as fait dans le noir, j'brille. Tu veux jouer, allons-y. Tu veux la compète, allons-y. Viens, viens, check, t'as envie. Tu m'as fait dans le noir, j'brille. Ce qu'on achète, hop, on péta. Sao Paulo ou Meda. Toujours d'af qui regarde. Si je la, elle s'attache. Y'a que des dans la cage. Je me fais rare comme les Apaches. Je dors tranquille sur 13 appâts. Après deux, trois shots. Faut pas me parler des autres. Après deux, trois shots. Je serai, je manie mon kata. Tu veux jouer, allons-y. Tu veux la compète, allons-y. Viens, viens, check, t'as envie. Tu m'as fait dans le noir, j'brille. Un gros pétard, oulala. J'suis avec tous mes chats de la corde. Baby maman t'as pas de défaut, je sais que malgré toi tu me vois comme les autres. Pourtant je peux faire doucement s'il faut ralentir maman. Je suis ton élite ma Ashanti maman. Dégâts trois fois canon. Baby girl j'ai les tables donc j't'ouvre un salon. On y va. J'aime tes formes, t'as le body authentique bébé. Je suis pas trop dans le délire romantique mais bon. Danger bébé t'es danger toi. Je suis branché bébé juste avec toi. Je rêvais bébé que dans tes bras. Je vois ton père et ta mère trente à la bague pour te fiancer. Dis-moi c'est comment. Si t'as des bis bébé je suis le bouc qui peut financer. Dis-moi c'est comment. Chérie t'es trop sexy, acceptes-tu de danser. Bébé dis-moi c'est comment. T'es ma lame et l'eau, le doigt de filet va pas changer. Dis-moi c'est comment. Dis-moi c'est comment. T'es sauvé, ton ex il a pas de fric. Dans ton poignet, il manque de trois Van Cleef. Ils sont trop sur le terrain, c'est la joga bonito. Bébé, moi je suis serein, c'est voyage en hélico. Hola, mamie, autour du monde de Guadalababi. Pour tes ex, les cons qui ne savent pas s'habiller. Moi j'ai le drip du pied, tu peux pas nier. Danger bébé, t'es danger toi. J'suis branché bébé, juste avec toi. Je rêvais bébé, que dans tes bras. Je vois ton père et ta mère trente à la bague pour te fiancer. Dis-moi c'est comment. Si t'as des bis bébé, j'suis le bouc qui peut financer. Dis-moi c'est comment. Chérie t'es trop sexy, acceptes-tu de danser. Bébé dis-moi c'est comment. T'es ma lame et l'eau. Filet va pas changer. Dis-moi c'est comme. Dis-moi c'est comme. Sans toi non. Bébé sans toi non. Sans toi sans toi non. Bébé sans toi non. Bébé sans toi non. Sans toi non. Sans toi non. Bébé sans toi non. Sans toi non. Moi je ne peux pas. C'est mon tête, je le code. On a marqué l'époque. J'ai remis le trait, le fama, j'ai remis le bob. Ils pourront pas me remplacer. L'échec est terrassé, c'est déclassé. Poteau fausse cassée. Je trouverai jamais ma place dans une France raciste. Toujours dans les airs comme une hôtesse de l'air. J'ai encore la dalle comme si je vivais dehors. J'suis putain de cheval sur qui t'aurais du mis. Je les vois rapper le luxe avec des contrats de misère. Bébé, m'attends pas à la maison. Je vais pas rentrer tant que j'ai pas dit loup. J'ai du talent, c'est inné comme Ronaldinho. J'suis une putain de resta du ghetto. Une putain de resta du ghetto. Donc elle veut le faire, elle enlève ses sous-vêtements. Le succès c'est tout droit donc j'accélère. Trop d'éther, j'fais que de patiner. Je suis parti mais je reviens en côte. Comme Messi à Barcelone, Miss Saoudite, villa sur la côte. Je prends le Urus, la voix de coche à 2,50. Ta chérie se demande combien j'ai sur le compte. Pendant que tu galères à remonter la pente. Des immeubles et des sociétés, non faut pas t'inquiéter. Beaucoup de lovés maintenant, laisse-les croire que j'ai tout claqué bêtement. Rejette pas ça par la fenêtre. J'aime beaucoup les jets et les yachts. Y'a mon bavé au téléphone. Des dividendes à prendre sur un compte. J'ai des euros dédiés à ma gantée. J'suis un chèque et j'aime trop me la raconter. Le train vit d'une resta du ghetto. J'suis une putain de resta du ghetto. Une

Avec les 8 web radios gratuites de Move, il y en a forcément une qui vous ressemble. Envie d'avoir le meilleur des nouveautés friendly, happy et certifié pour la famille? Move en famille. Pour vous lover avec des standards et des nouveautés sucrées, Move Solar NB. 6 autres web radios sont aussi disponibles dès maintenant, sans interruption, ni publicité, sur l'appli Radio France et sur move.fr. Salut, c'est Bintili, on se retrouve pour Passion Discrète demain à 12h45 sur Move. Chaque semaine, on en apprend plus sur la deuxième passion de mon invité. On sera avec la chanteuse Maïra qui nous parlera de... Ma passion pour la photo, parce que c'est vrai que même si le grand public ne le sait pas forcément, ça nourrit beaucoup mon art au quotidien et je suis très fière de pouvoir vous montrer un petit peu mes clichés. Passion Discrète, c'est à retrouver en réécoute sur l'appli Radio France et sur move.fr et c'est tous les samedis et dimanches à 12h45 sur Move. Vous êtes connecté sur Move. Hey, t'es dans le First Mic Radio Show comme tous les vendredis à partir de 22h. Je te balance le meilleur du son rap français. First Mic Radio Show. First Mic. R&B Fever. T'es boulot sous studio, appel, barré DJ Corse, tu me donnes pas fait aux machines n'importe comment. T'as capté, t'es content, c'est le captain. Si rifle rien, t'es qui m'embappé, wahabou et tout caisse, fini de merde, t'as fait mauvais comportement. T'as capté, c'est de l'arcador ou status, casquette Louis VVS. Resta comme le VIS, j'm'en fous ton AVIS, connu aucun rennis que j'VIS. Yalla baby, shake DRS, n'a t'y a jamais grave TIS. Yalla baby, shake DRS, n'a t'y a jamais grave TIS. Casse ta marée ton fleet. Au joint, j'ai gelé au fil de la frappe. Oh, on se recave et sac. Hey, on se recave et sac. On parle à cap et sac. On se recave et sac. J'arrive pour l'heure de la plata. Un des cas qui tue t'attaque. À toute heure, ça ratata. Ça te fait danser la bachata. Elle a un gros pétard, donc tu es sentimental. T'as perdu la raison, le chemin de la maison. Qui sait tout se faire voir, c'est des amis d'un soir. Je veux pas sans dire au revoir, aucune terminaison. Ça fait longtemps que je suis plus dans le bloc. Et la galice, c'est la mienne, c'est pas une loque. Je porte ta barbe à la James Harden. J'avais pas un, mais j'ai toujours eu le look. Elle veut tout faire, pesos, pesos. Elle m'ont kiffé, je savais. Ou peut-être que c'est mes pesos. Je reste le capo, tout savait. On gère les conflits, la conversation est intraçable. Te prends pas la cape, ça. Hey, what's the cop is up? On parle à cop is up. What's the cop is up? On parle à cop is up. C'est pas un seul maman qui a fait méchant. Mais tu as des wallets, you think I joue PlayStation. Pas moi, ok, ouais, dépassé, pas un forme l'échange. Je dis à Iboké, moi, des mecs qui cassent Stéphane. Hey, tout bad boy, qu'a trouvé, met you. Dio avant, qu'a déjà des mecs coupés Zebio. Bad bitch, moi, ni dernier, j'ai ma you. Stream, bouda, mon capité, un sac au chaoli, hebdo. Une belle do, bo, diable, m'pou. Diable, ma sonne, des timoniers qui a joué les rambo. Une belle do, bo, diable, m'pou. Diable, aujourd'hui, sous la scène de mon au fond du benzo. Mansa, la vie en tous mansa. Oui, ça monte, mansa. Ciao, j'ai au plein, mansa. C'est pas un seul moment qu'a fait, j'méchant. C'est pas un seul moment qu'a fait, j'méchant. C'est pas un seul moment qu'a fait, j'méchant. Mais je suis à des wallets, yo, t'es qu'à jouer PlayStation. C'est pas un seul moment qu'a fait, j'méchant. C'est pas un seul moment qu'a fait, j'méchant. C'est pas un seul moment qu'a fait, j'méchant. Genre putain de bad boy qui côtoie que des bad bitch. Si tu joues trop, je peux te fumer comme on shit. J'ai déjà décollé, toi t'attends ma chute. D'abord on fait la fête, juste après on les shoot. Même ta maman elle sait qu'on est méchant. Même ta maman elle sait qu'on est méchant. Si René si je suis méché. Bouge bouge, je vais m'en voir tomber en shit. Fais ce qu'il a misère, ces négros ils sont bizarres. Noyés dans les problèmes, mais grâce à Dieu ça va. C'est pas un seul maman qui a fait ich méchant. C'est pas un seul maman qui a fait ich méchant. Sous aimé si je suis méché. Bouge bouge, je vais m'en voir tomber en shit. C'est pas un seul maman qui a fait ich méchant. C'est pas un seul maman qui a fait ich méchant. Une belle do, si y'a blême qui y'a blême. Assionné des timoniers qui a joué les rambo. Une belle do, si y'a blême qui y'a blême. Aujourd'hui sous la scène de mille, faut du ben, faut du ben. C'est pas un sick mansa. La vie autisme mansa. Oui, ça monte, pense. Ciao, je plein. C'est pas seulement mon café, je méchant. C'est pas seulement mon café, je méchant. C'est pas seulement mon café, je méchant. Je suis à des wallets, yo, t'es qu'à je blesse, je blesse, je blesse, je blesse. On a tout cramé cet été. Je sais que chez Guy n'a plus quoi s'inquiéter. J'ai mis plata dans la valise. Et maman est plus qu'à l'abri. J'ai mis bébé dans la rari. Tu sais qu'on fait rien à la va-vite. Je veux deux, trois immeubles de rapport. Et un business qui rapporte pour en arriver là. C'est des années de labeur. Dans un 63S que d'un sellera à bord. On était dans le cul truc. Je sais que tu t'en rappelles. J'ai touché du papier. Bien avant de rapper. Et ça ira rotaire. 200 sur le compteur. On n'est pas des menteurs. Tu bifes sous un mat et là. Du bleu comme un bordelais. Sur mes appuis, je reste là. Jamais. Du bif sous un matelas. Billet bleu comme bordelais. Sur mes appuis, je reste là. J'ai sorti le pétard. J'suis en pétard pour me le faire. Allez, sans pilote. J'laisse la cage piloter. J'oublie pas comment c'était dur. À chaque fois que j'compte mon cash. Et on va fêter nos victoires. Avec du disengage. Oh, j'entends ces nouveaux billets sur les anciens. Ici les petits jeunes de la place des anciens. On augmente toute criminalité, criminalité, criminalité. On augmente toute criminalité, criminalité, criminalité. Regarde-moi dans les yeux quand je te prends un missionnaire. Je vais servir les tons cet été, je vais m'en aller. Je sais pas à qui me fier. La monnaie plein de billets. J'ai tellement d'objectifs en tête, je peux pas roubiller. Elle sait que j'ai beaucoup de sous. Elle sait que je viens d'en dessous. Les rôles avec comme un récit. Pour de Saint-Ton, je viens d'ici. On se réveille au bruit de la calèche qui gove. Tous les jours, faut que j'innove. Je suis sûr que t'as senti la frappe, mais la top dans le pack et le tien qui en refait. Je suis sûr que t'as senti la frappe, mais la top dans le pack et le tien qui en refait. Je suis sûr que t'as senti la frappe, mais la top dans le pack et le tien qui en refait. J'aime l'amour juste un peu, même si je suis un mec la street. Allez, sois piloté. Laisse la cage piloter. J'oublie pas comment c'était dur. À chaque fois que j'compte mon cash. Et on va fêter nos victoires avec du disengage. Oh, j'entends ces nouveaux billets sur les anciens. Ici les petits jeunes de la place des anciens. On augmente toute criminalité, criminalité, criminalité. On augmente toute criminalité, criminalité, criminalité. RS6, la remontada. J'ai le bolide qui fait du bruit avant midnight. Au remontada, ma petite attaque, on répond kiff kiff. Cadet sur PS, sur l'équipe type. Je veux les gros mots dans les big checks. J'ai envie de bouger les cheveux comme kiff kiff. Nouvelle Tana, j'monte sur Panam, tout est clair. Bord du Canam, gros joint de Cana. J'veux mon pharmace, billet vert. RR chauffé, short du shopping, c'est l'hiver. Jaloux vont pénard, j'attends le moment pour les distancer. Mali, on vit cette vie, revente la bug, celle des Celtics. J'ai toujours un business plan, prends du piano, j'fais 17 pics. Mali, on vit cette vie, revente la bug, celle des Celtics. J'ai toujours un business plan, prends du piano, j'fais 17 pics. Hey. Si j'ai pris mon courage à deux mains, c'est pour faire honneur à mes camarades. Ce qui se passe autour de moi, c'est que des échos téléphones à rap. J'avais ma vision du rap, sous-vêtements Ernest, mes cheveux sans rappel. Niggas at Paris, la décembre c'est des jours de fête. J'vais pour mon gang, gang, j'vais pour mon baby. Avant d'aller, j'vais pour mon gang, gang, j'vais pour mon baby. Avant d'aller, c'est le jour de mon birthday. Si tu vois la bête, dans mon allée, gagnons le respect. Faisons le blé, yeah, ça va aller. Chanter Geneva, chercher Geneva comme des Bordeaux. Pas la vie d'un Chirac, pour finir comme les Fredo Rando. Attention au virage, les coups de couteau ça fait froid dans le dos. Mais t'inquiète, ça ira. T'inquiète pas, t'inquiète, ça ira. J'vais pour mon gang, gang, j'vais pour mon baby. Avant d'aller, j'vais pour mon gang, gang, j'vais pour mon baby. Avant d'aller, c'est le jour de mon birthday. Si tu vois la bête, dans mon allée, gagnons le respect. Faisons le play, yeah. Il faut que je m'abchante, ça recommence encore. Mon passé, ma follow, ne te mets pas de chien. Les expressions parfois vaut plus que des mots. J'ai l'habitude d'être solo, mais je garde l'œil sur toi. Je sais, tu sais que je vis cette putain de life. J'amasse les balles de partout, dans la rue ou dans l'amour. Mon cœur me dit stop, mon corps me dit va. Elle y croit encore, elle y croit encore. Ta, tu connais le nom. J'suis dans la zone, rien n'a changé. Tu sais que c'est moi le game changer. Rolex en or va m'attonger. Sucer mon sang sans patauger. Mais tu veux ton sac, ton palmangel. J'suis pas ton homme, ton arc-en-ciel. Millions d'euros, millions de colops. Millions de dollars, mais j'finirai solo. Je lève mon dôme sur l'agent. On est bloqué dans le hazir. Impliqué dans tous les hijabs. Ici on dort pas, on agit. J'vais fumer un péto comme en Arizona. Je dois chercher mon bébé, comment la raisonner? Comment la raisonner? Je connais le succès, où sont vos boumaras? Boumaras. Je connais le succès, où sont vos boumaras? Sale. Je vais fumer un péto, comment la raisonner? Comment la raisonner? Je dois chercher mon bébé, comment la raisonner? Je connais le succès, où sont vos boumaras? Boumaras. Je connais le succès, où sont vos boumaras? Tranquillement, on fait ça tranquillement. Tu sais déjà, ta copine me manque. On gère ça facilement. Pendant le chargement, bébé, elle veut du changement. Hélas, elle veut du margiela. Les négos, on te les charge. Je lève mon dôme sur l'argent. On est bloqué dans le hazir. Impliqué dans tous les hijabs. Ici, on dort pas, on agit. Je vais fumer un pétou comme en Arizona. Je dois chercher mon bébé, comment la raisonner? Je connais le succès, où sont vos boumaras, boumaras. Je connais le succès, où sont vos boumaras, boumaras. Je vais fumer un péto comme en Arizona. Comme en Arizona. Je vais chercher mon bébé, comment la raisonner. Comment la raisonner. Je connais le succès, où sont vos boumaras, boumaras. Je connais le succès, où sont vos boumaras, où sont vos boumaras. Hey, عزيز مغالي سمحيلي نمشي في حالي انا غارب وهالي وانت سببي يا دلالي حيتنا عزيز مغالي سمحيلي نمشي في حالي وتكشف لا بيبي وتكشف لا بيبي وتكشف لا بيبي وتكشف لا بيبي حيتنا زماني. C'est donc ça l'amour, c'est une singerie. Mais toi tu m'aimes pas, c'est une dinguerie. Y'a trop de cadavres dans le cendrier. Sur le site d'aller, j'pense à toi, t'es sur messagerie. Winti es baby, oui le bel t'fhil Mohamedi. Ou un des marais, hit j'en ai marre, t'es khatira. Ou ça fait racrette, la vie qu't'a la caméra. Où tous mes sentiments sont morts. C'est pour ça que j'traîne dehors. Tu me prends de haut. Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. وغان تسطف المسيرة فحيا قدلوا اللي تشيرة وهد الشيرة بزاف عليا هد الشيرة même si je fais le tour du monde cette sensation immonde me hante chaque seconde j'ai mal au cœur mal à la vie انا غارب وهالي سببي يا دلالي حيت معزيز مغالي سمحيلي نمشي في حالي انا غرب وهالي وانت سببي يا دلالي حيت معزيز مغالي سمحيلي نمشي في حالي وتكشف لا بيبي وتكشف لا بيبي وتكشف لا بيبي وتكشف لا بيبي. J'suis très loin de la côte, j'suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Du temps plus j'parle le sommeil. J'pense qu'à faire de l'oseille. J'suis plus des logs de RS3. J'écoute plus ce qui se dit sur moi. J'compte plus les haters, j'pense qu'il y en a 3 millions. Et combien de jaloux je vais faire avec 3 millions? C'est souvent ceux que t'apprécies qui veulent te monter dessus. Donc j'suis devenu très mauvais. Par avoir peur d'être déçu. Je regarde pas les streams, je regarde pas les ventes. Mais je sais que j'ai fait plus que la veille et qu'il y a plus de zéro sur la feuille. Je suis l'homme à abattre, ils font les trafiquants. Ton rappeur parle de la RUE, mais il est tout le temps à patte. Je suis plus très loin du soleil, je me traîne loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je perds le sommeil. Je pense qu'à faire de l'oseille. Je suis plus des langues de RS3. Je n'écoute plus ce que c'est dit sur moi. Sans mort dans le film. Oh là là, je vois plus toutes les fins du mois. Parce que je vais rentrer à l'année. Ils sont morts dans le film. Oh là là, je suis pas là pour me jeter des flammes. Ils sont morts dans les pétunias. À part dans les troncs de bêche, j'ai pas pris la grosse tête. J'ai pris la plus grosse bête, je suis dans la plus grosse fête. Trop de succès, attire les plus gros traits. Je les fais disparaître et je prends un billet fast track. On n'a pas peur du nord, mais on regarde plus derrière. Des discrétors qui pleuvent, j'en ai déjà fait deux depuis la semaine dernière. De dimanche à dimanche, tout ta fou hallucinant. Ils t'aiment seulement quand ils mangent. J'ai l'ingrat, ne retiens que quand tu dis non. Donc, je regarde pas les streams, je regarde pas les ventes. Mais je sais que j'ai fait plus que la veille et qu'il y a plus de zéro sur la feuille. Je suis l'homme à abattre, ils font les trafiquants. Ton rappeur parle de la RUE, mais il est tout le temps à patte. Je suis plus très loin du soleil, je me traîne loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je perds le sommeil. Je pense qu'à faire de l'oseille. Je fais plus des langues de RS3. J'écoute plus ce que c'est dit sur moi. Ils sont morts dans le film. Oh là là, je crois plus toutes les fins du mois. Parce que je fais rentrer à l'année. Ils sont morts dans le film. Oh là là, je suis pas là pour jeter des flammes. Ils sont morts dans les pétunias. Un convoi de trois voitures, ouais. On arrive comme dans Viking. Combien d'ingrats t'as poussé des affaires? En finale, ton quel pour admettre. Ouais, l'agresseur qui fait la victime. Sur la vie de sa mère, c'est normal, elle est morte. La définition d'un traumatisme, une douleur violente dont tous les jours tu trônes moi. Y'a des mecs qui se prennent des KO, qui se réveillent, qui se demandent si le combat a commencé. Même si je suis dans un putain de fauteuil roulant, nique ta mère comme Ivar le désossé. Des faits de société qu'il faut dénoncer. Pour la Palestine, jamais renoncer. Et j'oublierai jamais de niquer ta mère si aujourd'hui je suis venu pour négocier. Chez nous, on dit pas dealer de cam, mais j'ai dans ces pets des Rotterdam. On y met beaucoup de cœur et peu d'âme. Y'a 40 salopes pour une vraie dame. Prépare mon oseille, j'ai pris deux bécanes. Même si je suis calibré, dis-leur que c'est calme. Quand je dis que je te baisse, c'est qu'amical. J'ai qu'une femme, elle n'est pas les polygames. Je suis un prédateur, pourquoi j'étais la proie qui rêverait m'étrangler comme un chiot. Devenir riche et rentrer plus que tu dépenses, système, je suis nickel sur le ratio. C'est vrai, je commets des péchés. Envers de la seule adoration. Ils avaient peur, ils me séparaient des élèves pendant les heures de récréation. On a dû faire des infiltrations, des putains d'actions, des séquestrations. Cette génération voit sa réussite dans les sapes ou dans une pénétration. Je sais plus vrai qu'un ministre, pas de manipulation dans mes déclarations. Fais pas l'ancien frappe du tir alors que tout corps tremble à la moindre vibration. Chez nous, on dit pas dealer de cam. Mais j'ai dans ces pets de Rotterdam. On y met beaucoup de cœur et peu d'âme. Y'a 40 salopes pour une vraie dame. Prépare mon oseille, j'ai pris deux bécanes. Même si je suis calibré, dis-leur que c'est calme. Quand dit que je te baisse, c'est qu'amical. J'ai qu'une femme, elle n'est pas les polygames. Je suis un prédateur, pourquoi j'étais la proie qui rêverait m'étrangler comme un chiot. Devenir riche et rentrer plus que tu dépenses, système, je suis nickel sur ratio. C'est vrai, je commets des péchés. Envers de la seule adoration. Ils avaient peur, ils me séparaient des élèves pendant les heures de récréation. First mic, radio show. Moi qui t'ai tant donné, y'a rien tant j'ai avalé. Je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. Je laisse des traînées de poudre. Je vais vite comme une fake news. Je suis sur orbite, j'ai peu de raison. De l'ambition comme Jeff Bezos. Je suis le gardien des clés de la ville. Je l'endors avec un mot gentil. J'ai quelques impacts sur le pare-brise. Viens partager ma misérable vie. Je crame sur un maxi scooter sans plaque. J'arrive au bled, le sol, je l'embrasse. Le mindset pour se lever des montagnes. Depuis longue taille, je mets les gaz. J'ai les stats de Kevin Durant. On est solide comme les frères Durant. Déroulé sur l'orage. On ramène le butin au village. Moi qui t'ai tant donné, derrière le temps je t'avalais. Je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour l'état, je suis l'état, l'état, pas étape. Mais l'état veut me voir m'éteindre, je détale sans temps d'arrêt. Moi qui t'ai tant donné, derrière le temps je t'avalais. Je laisse des gens derrière moi. Bébé serre-moi, jusqu'à rester en glace. Fais le taf, je reste assis. Pour le rêve, j'ai de la compassion. J'passe un jour à y passer en cours d'assises. C'est mon frère qui m'assure, c'est pas la masse. Bébé, fais le taf, moi je reste assis. Suspends liquide, promets ta sinon. Et je promène ta soeur comme mon chien. Pendant tu fais du Christ au bout de ma chaîne. On va brasser, allume les machines. On s'est promis qu'on finirait jamais en chien. C'est malheureux, mais c'est réel. Mon mal a fait le bonheur des gens. J'avance avec plein de bâtons dans les jambes. On assume, on se bagarre, tu connais déjà. Moi le kit est abandonné. Derrière le temps, je cavale. Je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour l'étal, je l'étale, étape par étape. Mais l'état veut me voir m'éteindre, je détale sans tendre. Moi qui t'ai tant donné, derrière le temps, je cavale. Je laisse des gens derrière moi, j'ai juste peur de m'égarer. J'ai pas changé pour l'étal, je détale, étape par étape. Mais l'état veut me voir éteindre, je détale sans tendre. Quand faire râler sous potion, je te sens trop long pour la caution. Et les types, faites attention, je fais pas le con pour attirer votre attention. J'emmène madame danser, je la détends, ça fait diminuer sa tension. J'étais ce que mes attachants, mais les temps changent, mais les temps changent. Mais les temps changent. Ah. J'ai pas changé pour l'étal, je fais l'étal, étape par étape. Mais l'état veut me voir éteindre, je l'étale sans temps. J'avance, je sais pas manger du fer. Tu me vois là devant toi, c'est parce que j'ai du fer. J'ai mis mon cœur en entier, des fois je me suis du père. Y'a eu des forêts à mourir, du sang, des fleurs et des pleurs. Je reviens peut-être au quartier fou comme Gennaro. Des orbites sur ma harpe, je recompte mes halos. Plus d'outils dans le box, que j'ai un mécano. Vivement que je revois mes refs derrière les barreaux. Vivement que je revois mes rêves. Et t'inquiète, je connais la noche. Personne sait ce que j'en ai chié. Ça m'arrange parce que le fer est neuf. Je compte bien faire vivre la belle vie. J'ai plus qu'un fait pour les meufs. Faut que je me range un jour, mais je vis comme si j'avais pas fait mes preuves. Elle m'aime d'un amour immortel. La vie à la mort ne tue pas. J'ai laissé son cœur en bordel. J'espère que le désordre la tue pas. Triste comme un gosse qui se morfond. Je souris comme si j'étais le plus heureux. Elle est love, des fois je confonds. J'avance, je sais pas manger du fer. Tu me vois là devant toi, c'est parce que j'ai du fer. J'ai mis mon cœur en entier, des fois je me suis du père. Y'a eu des forêts à mourir, du sang, des fleurs et des pleurs. Je reviendrai peut-être au quartier fou comme Gennaro. Des orbites sur ma harpe, je recompte mes halos. Plus d'outils dans le box, que j'ai un mécano. Vivant que je revois mes refs derrière les barreaux. Okay. Que les victoires à mon actif. J'ai fini le jeu, je l'ai rincé. Disque de diamant en artiste. Disque de diamant en indé. J'rappe comme si j'avais pas percé. PFL, VS, UFC. Tellement de gens large, je peste en est. Du concret, pas de NFT. Et du seront, j'traversais. La moula, j'connais, j'en fais. Quand on parle dans le pays, de leur remercier. Oh, banquier, faut me remercier. Multimillionnaire, mais il n'en a pas l'air, le nègre vit humblement. Heureusement que t'as pas juré sur la vie de ta mère, ça aurait été malaisant. J'm'en fous de qu'ils pensent de moi, j'compte faire valoir mes droits, pas là pour prendre du poids. Si on se croise les doigts, je ne sont pas ni loin. J'n'ai peur que de mes pensées. Vous m'avez rien faire, toi et ton instinct de survie, blabla, beaucoup de gros mains. J'ai pas besoin de sortir d'album pour savoir que j'suis le numéro ou l'un. J'avance, je sais pas manger du fer. Tu me vois là devant toi, c'est parce que j'ai du fer. J'ai mis mon cœur en entier, des fois je me suis du père. Y'a eu des forêts à mourir, du sang, des fleurs et des pleurs. Je reviendrai peut-être au quartier fou comme Gennaro. Des orbites sur ma harpe, je recompte mes halos. Plus d'outils dans le box, que j'ai un mécano. Vivant, je revois mes refs derrière les barreaux. Dis-moi tout ce que tu ressens. Sentiment billet de sang. Ça flex, ça pifflant. Elle veut le faire maintenant. On marche avec notre tristesse et nos âmes sous nos vêtements. Dis-moi tout ce que tu ressens. Sentiment billet de sang. Nous on a grandi ici. Est-ce que tu connais les prix? Seigneur aide-moi je t'en prie. Pour la paix j'entends les cris. Pour les derniers cris. Même si le ciel il écrit. R.I.P. je pense à lui. Elle fait le faire toute la nuit. En bas des halls qu'on traîne. Avec moi mes péchés je traîne. Dès qu'on réussit ils ont la haine. Penche-toi un peu plus je te la mets. Let's go, let's go. Oh, j'ai vu la voix d'Itamé dans le nez. Hey. Life. Dis-moi tout ce que tu ressens. Life. Sentiment billet de sang. Ça fait ça pifant. Elle veut le faire maintenant. Life. On marche avec notre tristesse et nos armes sous nos vêtements. Bou-bou-bou. Dis-moi tout ce que tu ressens. Bou-bou-bou. Sentiment billet de sang. On sait régler les conflits. Y'a qu'à Dieu que je me confie. God. Elle dit qu'elle m'aime à la ouf. Je lui dis mais toi t'es une ouf. J'suis dehors, il me faut du pif. Yes. Fais ton taf et la tif. Vu que cette vie, vas-y vite. Fast. J'entreprends, j'prends des risques. Hey. Missionnaire, on se regarde. Mes sentiments, je les garde. Billets 200 dans un sac. 3000 euros pour les sables. Quand on change de position, elle me dit qu'elle trouve ça bon. Quand on change de position, elle me dit qu'elle trouve ça bon. Dis-moi tout ce que tu ressens. Life. Sentiment billet de sang. Ça fait que ça pifant. Elle veut le faire maintenant. On marche avec notre tristesse et nos armes sous nos vêtements. Dis-moi tout ce que tu ressens. Sentiment billet de sang. 5, 4, 3, 2, 1. T'as dit métro soft, j'suis sur mes appuis et j'reste fidèle au poste. J'suis avec ta gâche et j'l'emmène dîner au coste. Elle est hornie, j'vais la piner au shot. Elle est hornie, j'vais la piner au shot. J'ai le mojo, j'ai la recette, tout est écrit. Y'a pas de peut-être, j'attends la couronne, j'attends le cèpe. Quartier Santos, 4 ans squelette. En état de grâce, je crache mon feu et la cabine s'embrasse. 2-3 mille pour calmer mes angoisses. Une table avec du champagne et des campasses. Tâche d'hémoglobine sur paire de Nike. Penalty sans arbitre dans le parking. Sur un fils de traître, un fils de harki. On lui fait sa fête, welcome to the party. Fin de carrière, c'est tout ce qu'ils craignent. Des eux que des traces, c'est tout ce qu'ils prennent. Bras gauche, brassard, capitaine. Salaire annuel en un week-end. Adriano PES, j'ai la même gouache. Je tire les yeux fermés, je la mets en pleine cage. J'ai fini l'IF, sont encore à la même page. On les fucked up, on les brainwash. J'suis dans les parages. Dès qu'il y a une aubaine, moi j'suis là que pour la gagne. No pain, no gain. J'suis dans les parages. Dès qu'il y a une aubaine, no pain, no gain. Les rappeurs sont comiques, ma pétasse est tonique, son boulet iconique. Les ennemis, j'leur mets des tempêtes, la vitesse est violente, le truc est supersonique. Plus rien à foutre qu'un journaliste crache tout son venin d'enculé dans une chronique. Nouvel album, j'ai rechargé les batteries. Ils ont mis de la sorcellerie dans mon catering. Un tas de billets versés pour la Saint-Patrick. J'mets que des coups du chapeau, que des hat-tricks. Donne jamais ta confiance, tout ce que j'ai appris. La go à ma droite me fait quelques gâteries. J'fais le spectacle, j'suis jamais dans les gradins. J'ai jeté un apport à la boutique Prada. Si tu sais, tu penses faire partie du gratin. Fils depuis chez nous, t'es personnel en gratin. J'tabasse des modèles, j'tabasse des pixels. J'suis dans le studio, j'suis dans la kitchen, logo du taureau en gros sur la putain. J'y vais tout droit, j'y vais nichen. 5, 4, 3, 2, 1. J'suis dans les parages. Dès qu'il y a une aubaine, moi j'suis là que pour la gagne. No pain, no gain. J'suis dans les parages. Dès qu'il y a une aubaine, no pain, no gain. J'suis dans les parages. Dès qu'il y a une aubaine, je suis là que pour la gueule. No pain, no gain. Je suis dans les parages. Dès qu'il y a une peine. Apaisant. Parole qu'a monté, parole qu'a descendre, ça qu'a fait écho. En guise million là, c'est le déco. Au pilote là, c'est terminé du écho. Ok, pitcha yo, ça fait yo béco. Quand on tape, go, pion, ça bricot. Cocaïne, pas cabine, hélico. Connexion, donc c'est transit, illico. Envoyé à l'Ovanie, y'a pour y'a filmé. Y'a envoyé ta blague dans l'eau pas gauche. En paquet de pète fil, y'a là pour filmer. Y'a t'es obligé de mettre dans l'eau à gauche. En veillant Mili, Angela streamé. Est-ce pour envie de maçon à dans l'oche? Angela Bibi, mais l'a abîmé. Dernière doudouna CG. Y'a de la pure, y'a de la VG. 2-3 contacts à gosier. Quelques cassettes dans sac DG. Valentino, Ronaldinho, Tarantino, Gisèle Pino. J'suis dans le Merco, Pani, Marco, Zé Pequeño. Dans la vie tout se sait, du sale c'est ce qu'on fait. Je les vois tous choqués, maintenant que les jeux sont faits. Cougna maman ou ne sait pas, joujou, j'acconnais Zormi, c'est la Guadeloupe. Je veux me mabler devant l'hôtel du Louvre, tout est carré, tout est fabuleux. Wally, drug, money, war, Zormi, wow. Pété, douane, chez nous tout ça passe. Coca, tout ça passe, Zebla tout ça passe. Sans magie ça passe. Cooking à feu doux, tu vois flou à feu loup. Ça charbonne quand on soupe. En qui n'est que des loups. AMG un seul, que des un seul. Vroom vroom j'accélère. La laverie qui donne l'heure. Les petits veulent braquer ou dealer. Dans la tête c'est chaud c'est un dealer. Au parloir ça passe à matinée. Combien de fois se mettre à cantiner. Pas cramé dans le Range Rover Satan. Mange d'amener sur les plages Saint-Anne. Bata la cavane, scoopy la cavane, conquer la cavane. Ça dans les descentes, tout la qu'à monter, chute la qu'à descendre. En deux temps châtaille l'autre la si on détend compte elle à descend. GLOC qu'à 19 pour FA du compte 31 décembre. Pas qu'à tirer par hasard, unité de précision pour mettre ton laser. Géolocalisation pour la NASA, rivez ceux qui collent qui ont pour raser. Pas qu'à tirer par hasard, unité de précision pour mettre ton laser. Géolocalisation pour la NASA, rivez ceux qui collent qui ont pour raser. Wally, drug, money, war, zami, bow. Pété, douane, chez nous tout ça passe. Coca, tout ça passe. Zebra, tout ça passe. Sans magie, ça passe. Wally, drug, money, war, zombie, wow. Pété, douane, chez nous tout ça passe. Coca, tout ça passe. Zebra, tout ça passe. Sans magie, ça passe. First Mic, radio show. BM, double, tout est, c'est le neuf. Le prince rafale sur le roi, je sors le, tout le monde, Hermès, Dolce, là-bas, y aller, Giro, et frère, détail de là, peine de, charge-le, on les bagarre, on les, je rentre chez, je récupère un mon, j'appelle mon gars qui me ramène de là, je vais sur le Rhin, faire une sortie comme, mon film me dit qu'aujourd'hui c'est, je l'écoute même pas, je me sers un verre d'eux, je demande au tartin, je lui décris mon œuf. Reste en forêt, c'est moi là, la grosse mou, envoie des mandats, tous les mecs au cas, ça sent la tata, je tape une dernière frappe, je suis dans les cités, je travaille comme un art, Artenapi, le dealer c'est fait, avec des kilos, des 4 plats de feu, tiens encore le baveux, celui qui porte la qui, il sort du rush là pour une maxi quiche. Tout est, sous la cagoule, tout est. Tout est, 9-3 Empire, tout est, tout est, sous la cagoule, tout est, tout est, 9-3 Empire, tout est, elle, moi, c'est comme Hussein Ida, j't'aime pas, mais j'vais rester sympa, mais qu'à la et moi, j'pense pas, par où j'suis passé, c'est comme un trou noir, à l'époque, personne voulait de moi, mais moi, j'ai pas perdu la mémoire, Vénégiti, ce putain de combat. Un smic et demi sur la taille, 3-9 mini sur la schneck, si tu la montes tu la payes, 9-3 empire du racket, 9-3 empire sur la tape, 9-3 empire sur la stèle, 9-3 empire ou en mieux, ouais 9 grammes en shit ou en deux. Y'a du sang français sous la sape italienne, mi capitaliste, mi alien, mi super saiyan, mi gosse, mi menace iranienne, mon écuyer chargé le cayenne, c'est Mani la mitraille, qui manie la mitraillette, sauvage, j'écris des chansons hardcore, mi satanique, mi païenne. Tout est, sous la cagoule, tout est, gag, tout est, 9-3 empire, tout est, sous la cagoule, tout est, gag, tout est, 9-3 empire, tout est. Je me réveille dans de la literie en soi. Ma soeur fait pas la porte, elle fait des études en droit. J'ai mon VVS avec un banquier hongrois. Dans les bons moments, dans les meilleurs endroits. T'es pas les empins, on va vous laisser en quoi. J'ai la coupe à Goku, tenant d'un bocal. La moitié de mon repas, c'est pour un vidu. J'ai mis des micros, ils ont failli m'avoir. Même autour du GLE, la couverture de ma voix. Pense à l'instigar, j'ai pas croisé un black. Que des gérants de four, ouais, des mecs du 9. Ouais, des mecs de chez moi. Vite un scar, un négro dans triple S Valencia. Sur un casse, personne arrive en retard. Ça va streamer ce soir comme une hagra. Une légende qui vient pour faire du carnage avec un flingue à barille et papa. Chacun son délire comme Vagman, je casse la démarche. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. De Scar, la négro dans triple S Balenciaga. Sur la casse, personne n'arrive en retard. Ça va streamer ce soir comme une hagra. Tout est, sous la cagoule. Tout est, gag, tout est, 9-3 empire. Tout est, sous la cagoule. Tout est, gag, tout est, 9-3 empire. Tout est, je dois passer devant, c'est un fake. R'est pas fast time, c'est un fake. Depuis que ça rentre chiant, maman dort bien, je suis en paix. Fallait pas calculer, c'était la démo. Avec Bilard comme NO et sa démo. Petit Zola, l'on livrait pas de. Petit Zola, l'on livrait pas de demi. Elle dit qu'elle veut pas mettre tes mains. Elle dit qu'elle veut pas mettre tes mains. Si je veux son snap, j'envoie pas mon pote. T'inquiète, c'est moi-même qui lui demande. Elle dit qu'elle veut pas mettre ma. Elle dit qu'elle veut pas mettre ma. Si je vais sous snap, j'envoie pas mon pote. T'inquiète, c'est moi-même qui lui demande. Et si j'envoie mon pote, y'a ta pote qui est ok. Renvoie sa tête, j'ai même plus c'est laquelle. Laisse la clé à la meuf de l'accueil. Attends que je parte avant de mettre fuite de l'hôtel. Je veux pas apparaître dans les vidéos de surveillance avec toi, gros Cindy. Donne mon deuxième snap, celui des dames. Si tu veux me revoir, tu m'envoies juste un théo. C'est pas comme dans les jeux vidéo. Y'a qu'une vie, y'a qu'une mort, gros, c'est pas GTA. Sale casse, t'as fait ce qu'il a douche. On va gazer de ton visage, c'est pas du théo. J'suis pas ton ami. On va faire des trucs à la mort, il nous faut du bif. Du bif, il en faut encore. Il a un fer sur lui parce que j'ai laissé le fer à Mathéo. Il a pointé le fer vers ses amis. Amis, ils ont vu la mort. J'suis pas ton ami, on va te faire des trucs à la mort, il nous faut du bif il en faut encore. Il a un fer sur lui parce que j'ai laissé le fer à Mathéo. Il a pointé le fer vers ses amis, amis, ils ont vu la mort. Je grave passé devant, c'est un fait. Elle est pas FaceTime, c'est un fake. Depuis que ça rend chiant, maman dort bien, j'suis en paix. Fallait pas calculer, c'était la démo. Avec Bilard comme NO et sa démo. Petit Zola, l'on livrait pas de. Petit Zola, l'on livrait pas de demi. Elle dit qu'elle veut pas mettre tes mains. Elle dit qu'elle veut pas mettre tes mains. Si je veux son snap, j'envoie pas mon pote. T'inquiète, c'est moi-même qui lui demande. Je grave passé devant, c'est un fait. Elle répare FaceTime, c'est un fake. Depuis que ça rend chant, maman dort bien, j'suis en paix. Fallait pas calculer, c'était la démo. Avec Bilard comme NO et sa démo. Petit Zola, l'on livrait pas de. Petit Zola, l'on livrait pas de demi. Elle dit qu'elle veut pas mettre tes mains. Elle dit qu'elle veut pas mettre tes mains. Si je veux son snap, j'envoie pas mon pote. T'inquiète, c'est moi-même qui lui demande. Elle dit qu'elle veut pas mettre tes mains. Elle dit qu'elle veut pas mettre louche. Elle dit qu'elle veut pas mettre seule. T'inquiète, c'est moi-même qui lui demande. T'inquiète, c'est moi-même qui lui demande. Pour ma femme, elle hit. Avant, j'attendais ton appel. Maintenant, c'est toi qui m'appelles pour faire un feat. À chaque temps, je me rapproche de la mort. Vu que ça pète, ça veut me jeter un sort. Très malin, surdoué comme son corps. J'aimerais vendre mes œuvres comme Van Gogh. J'enfile la capuche, je la mets pas en coque. Car elle sait que JRK est au top. On s'écarte vers là, y'a une dope. Grand écart, elle se la prend en gros. Toi t'es chaud que quand t'es en groupe. Je t'attrape solo et je refais ta coupe. T'es dans mon viseur, impossible que je te loupe. La confiance coûte cher, donc moi c'est mon cœur, je loue. J'ai mal à la vida, en ce moment c'est bizarre. Sur moi j'ai ma guitare. Le train de vie, elle supporte, je lui fais une abida. Ses copines me kiffent pas. J'ai mal à la vida, en ce moment c'est bizarre, sur moi j'ai ma guitare. Le train de vie, elle supporte, je lui fais une abida, c'est comme je me kiffe pas. Je veux que viseur, je veux ce qu'est qu'on dépoulaille. Des balles qui se perdent, je fais courir tes grands dadés. Gros, y'a pas de mystère, suffit juste de charbonner. J'ai pas de mystère, pétasse côté passager. Le trop dans la valise, client, je fidélise. Mais jusqu'à Galice, ça tourne comme une hélice. À faire chez la nourrice, c'est jaloux, il maille. Goudreau dans la valise, client, je fidélise. Mais jusqu'à Galice, ça tourne comme une hélice. À faire chez la nourrice, c'est jaloux, il maille. Putain, je suis vénère, j'ai cassé la loque. Parano, faut pas qu'à 6 heures ça toque. Mon talent vaut cher comme le prix d'une pâtèque. Je fais tout pour pas finir à sec. J'ai rempli mon chargeur assurance touriste. Je veux chercher l'oseille pour celle qui m'a nourri. La rose a fané, mon cœur il a pourri. Je représente le 19 comme Amin Harid. C'est mon homme, si la canne et je ris. Avec les forces du Tom et Jerry. J'attends mon contrat, j'attends d'être égérie. Renoir, Guéné, élevé au riz. Numéro 10, j'envoie des ballons, je me fais un kiff. Le bolide dit tartine, tartine, tartine, je fais que des drifts. J'ai mal à la vida, en ce moment c'est bizarre, sur moi j'ai ma guitare. Le train de vie, elle supporte, je lui fais une abida, ses copines me kiffent pas. J'ai mal à la vida, en ce moment c'est bizarre, sur moi j'ai ma guitare. Le train de vie, elle supporte, je lui fais une abida, ses copines me kiffent pas. Je sais qu'on dépoulaille. Des balles qui se perdent. J'fais courir tes grands dadés. Gros, y'a pas de mystère. Suffit juste de charbonner. J'ai pas de mystère. Mais à ce côté passager. Que trop dans la valise. Client, j'fidélise. Rime jusqu'à Galice. Ça tourne comme une hélice. À faire chez la nourrice. C'est jaloux, il maille. Que trop dans la valise. Client, j'fidélise. Rime jusqu'à Galice. Ça tourne comme une hélice. À faire chez la nourrice. C'est jaloux, il maille. Dans le menu, je suis chaud comme un grippeur, je me charge de l'ambiance et je sens que j'arrive tout pile. Ouh, il faudra s'agripper, je fais comme des tirs groupés, mais je lâche que des torpilles. C'est normal que je sois intrépide, je viens du soleil et des tropiques. Je suis un genre de rat de pied très rapide. je réside. À vous les quichta, monsieur le croupier. Avoir du cristal attire les groupies. Où les groupies s'accroupissent pour que leur volonté s'accomplisse. Mais sans aucun complice, tous leurs bénéfices devraient doubler d'office. Afin qu'ils soient doublés d'office, pas besoin de bandana. Pour faire du cash comme Fred de Santana, il suffit de pas être dans la cistana. Je manie, harmonie, tout en harmonie. J'ai donné de la monie, même aux plus démunis. J'ai beaucoup réfléchi et comme Lionel Richie, je me suis enrichi. J'ai des blots, trousse, parle pas de flic, j'parle d'influence, parle pas de clip. Big up Moulouta, Chour, Canal, big up à clic. Du rap de vie, qualité sans devis, pas de culture, du vide, de ce qu'on bride. Une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles, cinq bouteilles, six bouteilles, sept bouteilles. Scrag Boys, twerk, twerk, twerk, twerk, comme Chiro Guilliès, twerk. J'enseigne la gagne, c'est mon côté trump. Flow de Balthazar, l'instru, un côté d'un sucre sur le dos, tous les jours la chambre, mécanisme suisse. Qui donne leur disque d'or, ils peuvent de copier. Je suis triche d'enseignement sans parachute doré. Du love pour ceux qui soutiennent, bien avant qu'ils souviennent. Qui donne avec le cœur, pas pour que tu te souviennes. Une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles, cinq bouteilles, six bouteilles, sept bouteilles. Scrag Boys, twerk, twerk, twerk, twerk. Comme Chiro Guilliès, twerk, comme Chiro Guilliès, twerk. Litre de rhum dans mon verre de coca, parle à la vida loca. Litre de rhum dans mon verre de coca. Para la vida loca, litre de rhum dans mon verre de coca. Para la vida loca, litre de rhum dans mon verre de coca. Para la vida loca. Une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles, cinq bouteilles, six bouteilles, sept bouteilles. Scrag Boys, twerk, twerk, twerk, twerk. Comme Chiro Guilliès, twerk, comme Chiro Guilliès, twerk. Hey, t'es toujours dans le First Mike Radio Show. Reste connecté, on revient juste après ça. Vous avez l'âme d'un gamer et vous n'avez pas de console? Alors, la semaine prochaine, Move vous offre votre PlayStation 5. Dès que vous entendrez le signal entre 6h et 9h dans On n'est pas fatigué et entre 16h et 18h45 dans Bang Bang, appelez pour vous inscrire aux deux tirages au sort de vendredi. La semaine prochaine, gagnez votre PS5 sur Move. Move! Radio Show. Hey, t'es dans le First Mike Radio Show, ça y est, il est arrivé, il est dans la maison, on passe en mode gros dash Radio le Show. Le plus grand ennemi du rap, c'est peut-être le rap en lui-même, parce que les gens vont s'en lasser. Bouda, First Mike, mon gars. Le plus grand ennemi du rap, il faut d'abord savoir ce que c'est le rap, et quand on sait ce que c'est le rap, qu'est-ce que ça représente, on plaisante pas dessus. Hip-hop, musique, grave ma passion sur un disque, amoureux d'une énigme, je donnerai pas plus d'indices. Et je me rappelle qu'à l'époque, nous on rêvait pas de ça, c'est... Juste un freestyle autour du post-cassette. Ambiance de concert, personne connaissait les packs. Attitude d'un palais proche, donc on répétait les pas. Conçu pour durer, demande un KOH. Ils veulent nous laver le cerveau comme au car wash. L'équipe s'en sort, pas trop mal d'après les stats. On partageait les instrus comme un kebab frété des sables. On vit ensemble, on meurt ensemble. Je t'appelle mon frère parce que ta douleur me ressemble. Yeah, nos places graffées sur des plaques d'égout. On partait pas en août, mais rien qu'on casse les bouches. Waouh, juste besoin d'un micro comme Nas. C'est pour les rocamas, c'est roule des gros camas. Hey! Tout le monde, mentalité hip-hop. Dédicace mon gars du Gerolex. Mentalité hip-hop. Hey, hey, hey, hey. Mentalité hip-hop. Cousin. Oh, ah, oh, ah, tout le monde. Oh, ah, oh, ah. Ça fait oh, ah. Oh ah, oh ah, hey, c'est gros dash, Radio Show. Hip hop, musique, grave ma passion sur un disque. Amoureux d'une énigme, j'en ai pas plus d'indices. Et je me rappelle qu'à l'époque.

peux pas regretter. Le charbon, le hazy, l'avant. Je vais pas regretter. Jumpin', fuck what you expectin', ooh. Shout out Michael Jordan, just said text me, woo. Jumpin', jumpin', jumpin', jumpin', jumpin', jumpin'. I just seen the jet take out the other Sunday. Them boys just not bluffin', them boys just not bluffin'. Jumpin', jumpin', jumpin', them boys up to something. She was trying to join the team, I told her, wait. Chicken wings and fries, we don't go on dates. No boo, no boo, no boo, no boo, no boo, no boo. I just throwed a private dinner in the LA. Trapping is a hobby, that's the way for me. Money coming fast, we never getting straight. I just had to buy another safe. Bentley Spurs and Phantom Jordan fade away. Yeah, jumpin', jumpin', I don't need no introduction. Jumpin', jumpin', Metro boomin' on production, wow. Country cousins out in Memphis, they so country, wow. Tell her stay the night, valet your car, come fuck me now. Jumpin', jumpin', live on TNT, I'm flexin', ooh. Jumpin', jumpin', they gave me my own collection, ooh. Jump when I say jump, girl, can you take direction, ooh. Mutombo with the bitches, you keep getting rejected, ooh. Heard it came through Magic City on a Monday. Heard they had the club wild, it was star-studded. A bunch of girls going wild when your chain flooded. And I had them like, wow, cup dudded. Dope man, dope man, dope man, dope man, dope man, dope man. Money on the counter, choppers on the floor. I just caught that tempo, DJ Mustard, woo. Way too much codeine in that aura. We just count up big racks, whoa. I know I'ma get my bitch back, whoa. I count all these racks that they have on me now, I'ma have you like, whoa. Chanel number 9, Chanel number 5, but you got them both. Jumpin', jumpin', jumpin', them boys up to something. They just spent like 2 or 3 weeks out the country. Them boys up to something, they just not just bluffin'. Jumpin', jumpin', jumpin', them boys up to something. Au frais, je suis rabat, tu fais que penser à what? La raclisse, panique, yeux verts, verts brunes. On avait des bons goûts, juste on avait pas de thunes. Pas besoin de sparring, gros gabarit, j'appuie le feu. On marchait qu'à deux, avec eux on parlait peu. Des soirées dans le parc, tête cramée qu'on interpelle. Jamais l'un sans l'autre, comme Stringer et Barksdale. Nos têtes sur les clichés, pendant que les autres révisaient. Fonçaient les yeux plissés, avec cheveux flash et l'épicier. J'ai choisi le rap, toi t'as continué dans le stup. Ton angil est rare, par au frérot tu dors plus. Mais dans l'illégal, pour durer ouais c'est tendu. Coup de chien la cavale, t'as pas du gain toujours plus. Y'avait moins de sous mais plus de sourires mon ami. Rempli de souvenirs, on faisait face au pire. Pris des risques, on tournait à deux. J'protégeais ton dos, j'élimine. Au frais, j'suis rabat, j'fais que penser à what? Au frais, j'suis rabat, j'fais que penser à what? J'me rappelle l'époque où on fumait de la wax. J'aime trop ma Tessie, depuis petit peu j'la squatte. Et quand pour toi les sourantes, j'avais pas, tu me relances. Généreux, j'avais même pas besoin de demander. On n'est pas de ceux qui se vantent, pas besoin de se voir souvent. Nos délires d'avant risqueraient de me manquer. Attiré par la neuzo, ça vendait la résine. T'en mettre dans le naso, fallait du papel. Tu m'as donné de l'inspi, j'ai ramené le platine. En bas, tu m'as porté. Quand j'étais par terre, j'ai choisi le rap. Toi t'as continué dans le stup. Ton angile est rare. Par au frérot, tu dors plus. Mais dans l'illégal, pour durer, ouais, c'est tendu. Coup de chien la cavale. T'as pas du gain toujours rap, plus. Au frais, je fais que penser à what? Au frais, je suis rabat. Je fais que penser à what? Au frais, je suis rabat, je fais que penser à what? Au frais, je suis rabat, je fais que penser à what? Je me rappelle l'époque où on fumait de la wax. J'aime trop ma Tessie, depuis petit peu je la squatte. Et quand pour toi les sourantes, j'avais pas, tu me relances. Généreux, j'avais même pas besoin de demander. On n'est pas de ceux qui se vantent, pas besoin de se voir souvent. Nos délires d'avant risqueraient de me manquer. Au frais, je suis rabat, je fais que penser à what? Au frais, je suis rabat, je fais que penser à what? Move. Ici, pas de pub. Ici, pas de pub. From Bahman died, Libyan guy. I've been drinking no alcohol for the past 5 days. did you check on me? How did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody we know the paranoia, oh. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, well, oh, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Money Time 3 show. Money Time 3, ça arrive Solal. Vendredi prochain, vendredi 24 janvier. Merci beaucoup Solal d'être passé par le Gros Dash Radio Show. C'est pas fini, hein, ça fait que commencer. Il y a du lourd à ma gauche, il y a du très très très lourd. À ma droite, il y a du très très très très lourd aussi. C'est on n'a pas fini, on est ensemble jusqu'à pas d'heure pour le Gros Dash Radio Show. Mais oui, on a pris contrôle, on a pris le contrôle de Move. Totalement. De move, dans le fucking move de move. Totalement. What's là, poppin'? C'est pas fini, on enchaîne. Hein. On enchaîne, je crois qu'il y a mon gars Guyver Hypeman qui arrive avec la Touba. Ou... Exactement, la Touba est dans la maison. Guyver est dans la maison. Guyver, Guyver. Guyver qui est un habitué. Le général de l'Académie du. My general. La Touba, ça va encore. Guyver, on va te donner les clés. Ouais, s'il te plaît. Normalement, j'aurais déjà dû avoir mon émission. Comment se fait? La Touba, Guyver, ça c'est mon style. Ok, on est là. Money Time Dash Gros 3.